Fait que, let's go Bruno, on commence! Oui, alors bonsoir, en manchette ce soir, on parle de café, de poivre, de cayenne et des autres ingrédients de la vie. Vous écoutez 70%. Pis tout, là. Vas-y, Nick, parle la toune! Écoute ça. C'est la chanson d'elle? C'est elle. Il y a plus de verres de bière que de personne. 70%. C'est plein de bon sens. Je l'ai dans le sang. C'est sans bon sens. Je donne le minimum. Je me sens comme un vrai homme. Je vis comme un pomme. Au maximum. 70%. C'est surtout Simon. Simon, il est bon. C'est lui le patron. Simon. Oh oui, moi, Simon. Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%. Ah, en fait, ça, c'est la première toune d'intro de 70%. Elle a été faite en 2006 par Simon-Pierre Bilodeau et mon cousin Martin Godette. Et là, on s'est dit, ben là, on aurait besoin d'une toune de présentation, d'introduction. Et là, j'étais allé pisser, je suis revenu, puis il l'avait écrit déjà et tout. Donc, ça a été une très belle aventure. Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette. Bienvenue à 70% pour un autre lundi d'affilée. On va commencer tout de suite en parlant de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire Fredo le magicien, s'il vous plaît. Ça vaut la peine de l'applaudir. Très content d'avoir, en fait, un prestidigitateur, un agent de Satan. Faut pas avoir peur du mot. Oui, oui, hein, tout à fait. Ouais. Ben. Il y a des lois de la physique, mais toi, tu dépasses ça, il n'y a personne donné d'étiquette. Il n'y a pas de police de la physique. Pourquoi? Non, pas du tout. Et voilà. On va en reparler un petit peu parce que moi, les prestidigitateurs, c'est pas ça, je pense. Ben, c'est parce qu'il y a des lois que tout le monde écoute, puis toi, il y en a que tu décides d'effacer. Ça me chicote, oui, effectivement. Sinon, ben, vous reconnaissez Bruno. Bruno, ça se passe? Ah, oui, c'est bien, là. Ça va bien, ça, parfait. Ouais, et sinon, ben, comme chroniqueur, ce soir, on a une sacrée belle brochette. Donc, si ça se passe vite, au début, vous allez voir. C'est pour gagner du temps vers la fin. Jean-Sébastien, Mathieu, on a Jessie qui est de retour et même habillé en professionnel. On a aussi Andy. On va être rejoint par Laurent et Fred un petit peu plus tard en soirée. Une grosse soirée de 70% pour vous. Sinon, ben, peut-être pour commencer l'émission, Fredo, 70%, ouais. C'est ceux qui donnent le strict minimum. C'est ça qu'on m'a expliqué tantôt. J'aime ça. Oui, on est pas juste assez préparé. Puis, faut pas que tu te forces. Sinon, les autres, ils te regardent croche parce que les autres se sont sûrement moins préparés. Puis tu vois vraiment le cop-out déjà dans l'idée de juste assez. Juste ouais. Ouais, tu vois, c'est très arbitraire. Ouais. Ouais, on n'a pas chicané de personne souvent. Sinon, mais toi, prestidigitateur, oui. Magicien. Ouais, exactement, depuis l'âge de 11 ans. Ça, prestidigitateur. Ouais, puis j'ai 40 ans, fait que ça fait 29 ans déjà. Fait que faut croire qu'il y en a qui aiment ça, de la magie, hein? Est-ce que tu te sens devenir meilleur avec le temps? Parce que ça, j'ai entendu dire qu'il y a un non, moi aussi, qui est plus je vierge, 70%. Ton lien avec Satan, ça se fait moins bien. Oui. C'est n'importe quoi. En fait, oui, je m'améliore, mais c'est toujours à travailler tout le temps. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est quoi des exercices de prestidigitateur? Est-ce qu'il faut que tu sacrifies un animal de la ferme à chaque fois? Je sais pas où ça s'en va, cette affaire-là. Moi, j'ai failli amener de l'eau bénite pour exactement. Sortir. Lui veut savoir ce que je peux faire avec une poule. Faut-tu que je coupe la tête? Faut pas aller trop loin. Hein. C'est vrai que dans certains pays, il y en a qui pensent encore que la magie, c'est Satan. Et... Non, mais attends. Au Canada, t'es ouais. Ici, t'en non, non, mais toi, attends, je t'en explique juste une, OK? Ma mère s'en va dans un Walmart, à l'avant d'elle, il y a une personne couleur peau noire. Et là, ma mère dit à son amie que, bon, je suis magicien, tout ça. Puis la madame en avant fait « Mais il parle au diable! » Vraiment, là, ma mère est venue, elle était crampée. Elle fait comme « Ben voyons donc, encore, on pense encore ça, que c'est ça! Ah. » Fait que, mais moi, j'en revenais pas que quelqu'un pense encore ça, mais ça a l'air que oui. En quelle année t'as comme charmé ta mère pour qu'elle arrête d'être offusquée par le fait que... on va te prendre ça à soi! Drette là, ouais! Je peux-tu faire un miroir et envoyer la question à quelqu'un d'autre? Sinon, travailler avec des enfants... C'est fun, j'ai compris qu'il fallait que je change de question, c'est cool. Travailler avec des enfants, t'aimes ça? Oui, oui, j'adore ça. Ça fait, en fait, j'ai fait une émission qui s'appelait Bulldog Bazar. Peut-être qu'il y a du monde dans le public ici en ce moment. Voilà, yeah! J'ai fait une émission qui s'appelait Bulldog Bazar le samedi matin pendant 5 ans. Et ça m'a vraiment dirigé vers le jeune public grâce à ça. Mais j'appréhende une question weird. Ben là, tu te sens pas mal, comme, de t'attaquer à l'innocence directement. Je peux-tu dire qu'il y a des parents bien plus innocents que les enfants? OK, oui. Ouais. Voilà. Tu sais, il est en train de m'avoir. Non, non, ben oui, effectivement. Ouais. Est-ce que t'as comme développé des habiletés de magicien pour la télévision par rapport au stage, par rapport à la rue? Est-ce que t'as comme... Boy. Y'a-tu comme des settings de magie? Oui, oui, c'est sûr que, tu sais, quand t'as un public dans la rue, mettons, faut que tu fasses plus attention parce que les gens peuvent être autour de toi partout tout le temps. J'allais dire 70%, mais non, mais 100% surround, là, autour de toi. Ouais, que sur la scène, t'as un contrôle dans les angles, tout ça, ça c'est sûr, mais ça, c'est une question plate, fait que je vais arrêter ça, là. OK! C'est pas vrai. Non, je comprends. Je me suis dit, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, oui, c'est vrai qu'il y a des choses différentes, mais, tu sais, c'est plus technique que vraiment informatif, là, dans le fond, là. Okay, okay. Mais oui, techniquement... Toi, ça te retient pas, puis t'as pas peur non plus. Ah non, un ou l'autre, là, rue, scène... T'es déjà performé devant, comme, mettons, une douzaine de gars autour d'un pentacle avec des chandelles? Non, j'essaie de me garder loin de ça. avec des capuches, là, noires. Ça. Noir, ça fait comme... Ouais, exactement, c'est ça. Ah, t'étais là? Oui, c'est ça. T'as-tu appris à parler latin et autodidacte aussi? Non, pas du tout. Oh man, y a-t-il une cachette quelque part au bord? Non. Mais est-ce que t'as un tour en particulier? Est-ce que t'es comme reconnu pour un tour en particulier? Non, pas vraiment. Moi, j'ai écouté ta cassette là, de 2001. Oh, tabac! Pour vrai, t'as trouvé ben ça? Ben oui, ben j'ai ça certain. À qui tu parles? Ça, c'est drôle parce que. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, man, parce que le producteur, là, il m'a fait à croire, puis ça, c'est le même tout le temps, là, il m'a fait à croire qu'on a vendu à peu près 500. Puis. Partout où je vais, dans tous les groupes d'âge, hey, j'étais à cassette, man, je suis sûr que je me suis fait avoir d'aplomb avec ça. OK, mais, genre, mais moi, j'ai pas l'original. À l'écoute. Non, mais. Ouais. tu me donneras la pièce de redevance. Oh, avec plaisir, que... je te paye le lunch. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, partout où je vais, là, je n'entends parler, hey, j'avais ta cassette. Puis là, tu te dis, attends, sur le ratio, là, il peut pas en avoir juste vendu 500, c'est pas vrai, mais bon, c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que t'es allé tout le temps aux trois mêmes places? Genre? Ouais, non, d'un bout à l'autre du Québec, je n'ai entendu parler. Mais ouais, j'ai fait ça, j'ai commis ça, une cassette de même. Puis non, ça, j'ai pas de tour de magie vraiment précis pour laquelle je suis reconnu, mais tu sais, c'est dans la façon de faire, plus peut-être que pour laquelle je suis reconnu pour ça, dans le sens que, tu sais, inclure les enfants avec moi, jouer, tu sais, m'assurer qu'il y a toujours des jeunes qui participent au numéro, tu sais, être très interactif, puis voilà, c'est ça. Oui, bon, ouais. Ça, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et oui. ça t'aide peut-être justement à être un bon invité à 70%, oui. Malgré ce que tu as pu faire à... Des innocences vivantes ou quoi que ce soit. On va voir, là, mais là, ce soir, on a comme signé un pacte. Là, tu feras rien de mesquin. Ou non, de... non, pas du tout. Si vous voulez avoir un numéro de magie tantôt, on va en faire un au moins. Sûr. OK, c'est bon. Ouais, oh, oui. Puis, en fait, ce que j'aime là-dedans, on a tout essayé à 70%. On a joué à Ouija, on a joué, on a eu un mime. Et vous voyez le gars, là, t'sais, le tweet là, qui faisait la table là, à TVA? Oui, ça, c'était cave en ça, là. Ouais. Man, ça, j'en reviens pas. Puis que Chantal Lacroix est embarquée là-dedans, ça m'a fait comme... Celle qui avait une réputation vraiment comme intacte, ouais, ouais, tu sais. Ouais. Elle était embarquée là-dedans, ça m'a fait freaky. Mais on s'entend qu'elle avait fait « Salut, bonjour », sinon. Ouais, je ferai pas de commentaires parce que je l'ai fait une fois de temps en temps, fait que je ferai pas de commentaires. Hein. Ah bon, c'est bon. C'est quoi qui se passe sinon pour toi dans l'avenir proche, à long terme? Ah, plein d'affaires, j'ai été rempli, qui se remplit beaucoup. Je vais être à Juste pour rire quelque part en juillet, dans la dernière, en fait la semaine du avant, donc le 18, puis 4 soirs avant ça. Là. Okay. Fait que j'ai pas retenu les dates par cœur, mais je vais être à Juste pour rire. Puis après ça, je fais plein de festivals là, à Gatineau, Festival des Montgolfières là-bas. Je fais plein d'affaires durant tout l'été. Et puis on dirait que y a-tu comme... un combat non-dit entre toi et genre Alain Choquette, parce que le Québec a l'air comme l'eau... Il y en a comme un à la fois des prestigieux. Mais non, c'est pas vrai, parce que connaissez-vous un gars qui s'appelle Vincent C? Ouais. Quelque chose? Vincent C s'en vient avec trois un show de TV. Oui, c'est ça, trois personnes. Il est bien connu dans sa famille. Ouais. Mais Vincent C, ça vient avec un show. Il y a Luc Langevin qui est là aussi. Ah oui, c'est vrai. Non, la magie connaît un boom quand même en ce moment. C'est ça qui est le fun pour nous autres. Mais oui, c'est ça. Et moins le fun pour lui. Au grand désespoir. Ça t'est-tu déjà arrivé de comme pogner une étiquette de vitesse puis là, le transformer en orange puis que l'officier il dise... Non, ça m'est jamais arrivé, mais un de mes chums fait une petite connerie, c'est vraiment très drôle. Sur son permis de conduire, il a mis un collant rouge, un bout de mousse rouge sur son nez. Fait que là, il donne son permis de conduire au policier, puis le temps que le policier regarde le permis de conduire, il se glisse un bout de... un nez de clown. Fait que le gars, il regarde le permis de conduire, il regarde le gars, il a le nez de clown. À date... Il y en a échappé un. Ah. À date, là, il s'est sauvé d'un ticket. Parce qu'il a fait bien rire, le gars. Là, ça, c'est quand même un sacré tour de magie. Ouais, là. Ouais. C'était en train de nous apprendre que les officiers ont un sens de l'humour. Je pense qu'on est équipé pour commencer. Ça, c'est pas de la magie. Au moins un officier, en tout cas. Ouais, au moins un. Au moins un. Ben sinon, ben merci beaucoup d'être avec merci nous. Merci d'être là, puis merci de m'avoir invité. Puis je trouve ça spécial parce que d'habitude, je veux dire, ma gang au complet, quand ils me regardent, je pense qu'ils ont l'âge de ce monsieur-là au complet. Dans le sens que quand tu fais l'addition, non, mais sérieusement, c'est-à-dire que c'est tous des enfants, d'habitude, là, c'est tous des adultes en avant de moi, fait que je suis un peu intimidé. On va essayer d'avoir du fun. Ouais, ben oui, gêne-toi pas pour prendre la bière s'il manque de quoi. Magic. Ouais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non, mais... Non, je sais. Pourtant... Non, je sais pas. Mais j'ai... C'est parce que j'ai une vie. Bam! Sur ce, je vais y aller. Non, tu restes avec nous le plus longtemps possible. Oui. Parce que là, à partir de maintenant, les chroniqueurs vont défiler. Toi, t'as un micro... Oui. Vas-y, essaye de critiquer, commenter, parler, charmer. Hein, ouais, ça, je suis capable. Leviticus, genre. Ouais, c'est ça. Bon, ben, let's go, Nick. On commence avec Bruno. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Ah, bonsoir. Salut Bruno. Hey, on va commencer avec une vraie nouvelle. Une pure, let's go. Non, mais comme que... je veux juste annoncer en fait le fait qu'il reste juste 9 jours au Kickstarter du GeekFest, si jamais vous êtes intéressé. Cool. Ben oui. C'est pour ceux qui connaissent pas le GeekFest, c'est un festival pour les geeks, vous l'aurez deviné. Va y avoir beaucoup de gros invités cette année, entre autres la gang de Noob qui viennent directement de France pour... nous gréer de comiques français. On sait qu'ils l'ont, les Français, pour le comique, hein? Donc, mais en fait, si vous avez l'intention d'y aller, pour vrai, allez juste sur le Kickstarter, acheter le billet, parce que eux, ça les aide vraiment pour pouvoir justement louer la salle, payer les assurances, payer les billets d'avion, etc. C'est pour quand les même inviter. Une bonne idée de vendre tes tickets par Kickstarter à l'avance. Ben ouais. Tu sais un peu quel genre d'événement tu vas te ramasser, la grosseur du potentiel. Puis, voilà, exactement. Ouais. Fait que allez faire ça, là. C'est ça, c'est juste pèsez pause sur le show que vous êtes en train d'écouter, c'est ou pèsez pas pause puis ouvrez une autre fenêtre, là. Allez faire ça. Allez faire ça. C'est bon. C'est juste des chums, c'est pas moi qui l'organise en passant. À date. D'accord, on y va avec les vraies nouvelles maintenant. Dimanche dernier, un feu a fait ravage dans le poste de pompiers de Florence en Ohio. L'équipement a complètement été détruit dans l'incendie et l'édifice a souffert de dommages sérieux. Aucun personnel ou pompier n'était dans la caserne lorsque le feu s'est déclaré. La cause du feu reste indéterminée. Il veut faire rire d'eux autres dans les réunions de pompiers en Grèce. Bon. Fait que là, ils vont-tu mener une enquête plus intense, tu penses? Next. Ouais. C'est bon. Un policier de la Caroline du Nord poursuit le géant du café trop cher Starbucks pour 50 000 $ après s'être renversé du café lui-même de sûr. Matthew Korn affirme que le couvercle de son café a sauté et que la tasse s'est elle-même écrasée sur elle, causant un écoulement de liquide bouillant sur sa cuisse. L'homme souhaite se faire rembourser pour ses frais médicaux. Il affirme que l'incident lui a causé de la détresse psychologique, ce qui a empiré sa maladie de Crohn, nécessitant une chirurgie. La maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale, voilà, exactement. Peut-être qu'il ne devrait pas boire de café, d'ailleurs, mais bon, ça, on n'en parlera pas trop, parce qu'on fait pas de l'éditorial. Oui, c'est ça. on fait surtout pas ça. Non. Starbucks réfute les allégations de l'homme, affirmant que le café lui avait été offert gratuitement, premièrement, et que de tels incidents ne se sont produits que 59 fois dans le passé. Il n'y a pas jurisprudence. Là, il traînait son café, il l'a écrasé, puis là, il y a eu l'info en public, puis il a dit « Ah ouais! Ah ouais! » Puis là, voilà. Exactement. Next. Next, Bobby Heath, 25 ans, était en plein procès à Bexhill, en Angleterre, alors qu'il a décidé de faire un petit vol rapide. L'homme a décidé que le téléphone cellulaire de son avocat serait sa proie. Heath devra comparaître à la même cour le 2 juin pour des accusations de vol. Fait que là, son avocat, il est-tu comme en train de le défendre d'un bord puis plaignant d'un autre, genre? Je pense que oui. C'est une niaiserie. Calisse. Le gars, il avait trop d'alliés dans la vie, fait qu'il s'est dit, m'a volé. Hey, esti connard, man. Let's go next. Oui, Michael Kevin Meadows de Shady Springs en West Virginia est entré dans une pharmacie avec l'intention de commettre un vol. L'homme de 43 ans a alors sorti une canne de pulvérisateur à poivre de cayenne et a commencé à en envoyer sur les caissiers afin de les neutraliser. Il s'est ensuite dirigé vers le comptoir caisse, marchant directement dans son nuage de poivre de cayenne. Les caméras de surveillance révèlent qu'il a bel et bien été affecté par sa propre arme. Il a titubé vers l'extérieur du commerce et est entré dans un véhicule conduit par une autre personne. Meadows fait face à des accusations de tentative de vol à main armée. Vas-y, Fredo, vas-y. J'ai pensé à des affaires, mais ça mérite même pas un commentaire. des caves de même, on en a chaque semaine grâce à Bruno. Ça fait tellement de bien. Hein. On voit que l'humanité évolue à 70%. Puis on se sent moins pire dans ce temps-là. Exactement. Nous, exactement. On fait comme, je ferais jamais c'est ça. C'est sûr que ton strict minimum à toi va donner mieux que celui de lui-là. Oui, oui. Puis au paradis, on est tous évalués sur une courbe. Oui, c'est sûr. Saint-Pierre, c'est le premier statisticien, c'est sûr et certain. Sinon, j'ai oublié d'en parler peut-être pendant ton entrevue tantôt. Je vous encourage à aller voir le site de Fredo. C'est assez vivant. Oui. Il y a quand même assez de belles nouvelles et tout. Ta bio, c'est assez aussi C'est ça. Puis il y a des vidéos pour voir un peu ce que j'ai fait aussi. Ouais. Parce que toi, t'es pas gêné de passer tes secrets occultes démoniaques à n'importe quelle intelligence influençable. Exact. Je suis un gourou. J'en dirai pas plus. On le check. J'en dirai pas plus. Bon, ben là-dessus, on continue. Let's go au prochain chroniqueur. Oh! Bonsoir tout le monde, comment ça va? C'est impressionnant l'intérêt pour un intro de chat. Hein? C'est impressionnant. Mais on réalise pas des chats. Il y a toute une histoire. Hein? Il y a toute une histoire. Je suis sûr que si on pouvait voter pour un chaton, ça deviendrait président du monde. Clairement. Clairement. Ben, il y a un maire chaton déjà en partant. Ouais, voilà. Ça va vite. Là. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte de me plier au chat. Salut Bruno, ça va? Salut Andy, ça va pas? Je t'ai manqué la semaine passée. Oui, je sais, mais tu t'en es bien sorti. Quand même, pas pire, je pense. Cette semaine, je me suis dit, j'étais en vacances déjà en partant, puis en regardant le hockey, en regardant toute l'allégorie qui se passe en ce moment, la joie, l'allégresse plutôt, je me suis demandé, il me semble qu'on manifestait il n'y a pas si longtemps que ça, puis j'ai comme oublié pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent pourquoi qu'on manifestait? Moi, j'ai... Toi, tu pas content? Hein? Pas content? Non, je pour sais que pas. Le pot soit légal? Je sais pas, mais me semble que le mouvement est déjà extrêmement toi, mort. Toi, tu parles du printemps érable. Oh, 2015, mais c'est pas... OK, OK, ouais, c'est 51, puis tout, master, le monde, il attend de les séries. Exact, genre... Ouais. Puis j'ai compris. J'ai compris parce que je cherchais dans mes livres, parce que hey, je suis en vacances, fait que je fais un petit peu de ménage. Puis j'ai retrouvé un livre que j'avais quand j'étais jeune. Et en lisant le livre, j'ai fait « Oh mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi que ça marche aujourd'hui, pourquoi que le monde manifeste plus. » Et je vous présente « Parlons de la désobéissance. » Ah donc, ben, elle est violente, la petite fille. Ben, elle est surtout désobéissante. Oui. Alors, je me suis amusé un petit peu et j'ai décidé de changer tous les textes de tes parents pour ton gouvernement. Alors, on sait. Quand tu ne fais pas ce que ton gouvernement te demande, tu leur désobéis. Ton gouvernement a de bonnes raisons de te dire ce que tu dois faire. Il est donc dans ton intérêt de lui obéir. Ton gouvernement t'interdit de faire certaines choses pour éviter que tu te blesses ou que tu blesses les autres. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire pour qu'il ne veut pas que tu abîmes ou que tu détruises tes affaires ou celles des autres. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire parce qu'il veut que ton entourage apprécie ta compagnie. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire parce qu'il veut que tu sois juste. Ça, c'est vrai, par exemple. À chaque fois, le clou, il cale un peu. Là. Ton gouvernement te dit ce que tu dois faire parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas ennuyer les personnes de ton entourage. Ah! Hey, ça, hein, mettre le monde mal à l'aise, faudrait pas. Malgré tout, tu te demandes peut-être pour parfois de quel droit mon gouvernement me dit ce que je dois faire. Pourquoi ne pourrais-je pas prendre mes décisions moi-même? Ton gouvernement sait mieux que toi ce que tu dois faire. Ah ouais! Ah ouais! Parce qu'il est plus âgé et plus sage que toi. C'est tellement vrai. Il vit depuis beaucoup plus longtemps que toi. Et parce qu'il vit depuis plus longtemps, il en sait plus long. Étant donné qu'il a plus d'expérience que toi, il sait généralement ce qui convient de faire dans ton intérêt. Il vaut mieux que ce soit ton gouvernement qui te dise ce que tu dois faire parce qu'il est responsable de toi. Si tu te fais mal ou si tu fais mal à quelqu'un d'autre, on le reprochera peut-être à ton gouvernement. Il se peut qu'on lui demande de réparer les dommages que tu as causés. Pour t'apprendre à obéir, ton gouvernement sera peut-être obligé de te punir quand tu lui désobéis. Le fait d'être puni te rendra malheureux. Tu regretteras alors d'avoir désobéi. Tu ne voudras plus désobéir à l'avenir. Pour éviter de te faire punir, voici quelques suggestions. Demande à ton gouvernement ce qu'il veut que tu fasses. Demande à ton gouvernement ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Écoute ton gouvernement. Sois attentif quand il te parle. Assure-toi que tu comprends bien ce qu'il te demande. Pose-lui des questions si tu n'es pas sûr d'avoir bien saisi le sens de leurs paroles. Si tu n'es pas d'accord avec ton gouvernement, inutile de les harceler ou de piquer une colère. Parle-leur gentiment. Laisse-leur le temps de réfléchir à ce que tu as dit. Tes arguments vont peut-être les faire changer d'idée. Sinon, n'insiste pas. Si tu persistes à en parler, tu te sentiras frustré et tu mettras ton gouvernement en colère. Une fois que tu as compris ce que ton gouvernement attend de toi, fais ce qu'il te dit. S'il t'arrive de désobéir à ton gouvernement, ne lui mens pas. Les mensonges n'ont jamais rien arrangé. En fait, c'est tellement pas vrai. En fait, le truc, c'est d'oublier. Hein, ce qu'on a vu, je pense, tu t'en souviens plus, c'est mieux. Ouais. Si tu arrives de désobéir à ton gouvernement, voici ce que tu devrais faire. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es sincèrement désolé. Accepte la punition qu'il t'inflige. Ne sois pas fâché contre lui. N'oublie pas que c'est toi qui as désobéi. Tant je ne puis recommencer. Quand tu obéis à ton gouvernement, tu lui fais plaisir et tu agis dans ton propre intérêt. Oh! Wow. Belle allégorie. Merci, Andy, de toute beauté. Un commentaire là-dessus, Fredo? juste wow, mais non, mais attends, c'est impressionnant que le livre, tu changes un mot, puis c'est ça, là. Puis le sens reste, toi. C'est impressionnant. Puis un petit peu vraiment... comme les parents, on choisit pas notre gouvernement. Non, non, non, non, exactement ça, mais... Puis c'est vraiment tel quel que ce que t'as lu là. Ce que t'as lu là, c'est tel quel, là, c'est vraiment ça, là. Wow! Fais attention, c'est impressionnant. Va... Moi, je vais le faire disparaître. Ouais. Non, mais c'est... Mais c'est impressionnant que ce soit vraiment... C'est rempli de beaux sophismes, en plus. Hein? Ben voilà, c'est tout. Bon, bon, on va laisser Fredo regarder les petits dessins. On passe au prochain chroniqueur. Voici la chronique animalière de Jesse Bouchard. Bonsoir, bonjour. Salut, Jesse. Salut. Ben oui. Donc, aujourd'hui, je vais bifurquer un peu du plan de cours. On va prendre le manuel Les zoonoses parasitaires. Donc, attends, on va commencer. Elle a des gants de plastique, ça me fait peur, je vais aller faire un tour. Tu devrais. Donc, God. Je pense que c'est pas toi sa cible. En général, étant donné moi. Que c'est la saison... du gros rush en clinique, des parasites, vers du cœur, etc., je me suis dit que je vous donnerais un petit cours sur les parasites intestinaux. Et bien, étant donné qu'il y en a beaucoup, je me suis dit je vais prendre ceux-là qui peuvent être transmissibles à l'humain. OK, donc, parce qu'on parlait de parasites de chiens, genre. Chiens, chats, rongeurs? Ours brun, name it, là. OK, c'est ça, bon. Ça, c'est un livre vraiment rempli de ça, là. Vraiment, mais ours brun. Écoute, il y en a peut-être 10 000. Là, c'est bon, j'écoute. Donc, on va commencer avec la giardiose. La giardia. Vous allez prendre votre manuel à la page 50, s'il vous plaît. OK. Oui, j'aime ça. Donc, la giardia, c'est un petit protozoaire. Dans le fond, c'est protozoaire, c'est un organisme unicellulaire. Il va avoir deux formes. La première forme, c'est le trophozoïte. C'est vraiment le fun parce que quand que tu le vois au microscope, là, les gens ne verront pas, mais vous passez le papier. C'est ça qu'on voit au microscope. C'est vraiment un petit bonhomme. Ça fait vraiment un petit bonhomme qui fait coucou. Ben oui, tu décrirais ça comment, Fredo? Ben, le dessin de mon enfant de 5 ans. Et je veux dire, ça ressemble à une face. Mais c'est vraiment ça toi qu'on toi qui l'as fait, Jesse, c'est beau. Merci. Mais tu sais, j'avais des talents cachés. Donc... Mais cette forme-là est plus rare. C'est rare qu'on va la voir parce que souvent, ce qui va sortir au bout de l'aliment, ça va être des kystes. OK. Donc, ça, c'est romantique, ça. Oui, des kystes, c'est vraiment jour. Au chocolat, là. Donc, ensuite, ce qui est bien à savoir, c'est que les kystes vont être vraiment résistants au froid, à l'humidité. Donc, souvent, pendant l'hiver, les chiens vont chier, puis ben au dégel, tu peux en pogner. Puis ben le mode de transmission, peu importe le parasite intestinal ou presque, là, mais il faut que tu manges les œufs. Donc, si tu n'as pas une bonne hygiène ou si ton chien te lèche constamment le visage, ça se peut que tu aies des vers. Parce que donc, le chien, lui, son papier de toilette, c'est ce qu'il est en train de mettre dans ta face. Tu sais, genre, il se lèche... Il se lèche le cul, puis après ça, il te lèche la face. C'est ça, ouais, on a... Ouais. Elle vient de dire deux mots qu'on n'entendra jamais à Radio-Can. Hein? Ou il mange son caca, il mange le caca dehors. Ou les chats peuvent aller dans les bacs de litière. Ça, c'est classique pour aussi beaucoup de chats. De chats. Blanc de mémoire ici. Mais donc, les enfants sont vraiment plus à risque. Donc, le suivant, c'est le Toxocara. Ça fait partie des familles des Ascaris. Le ver en soi a une forme de spaghetti. C'est vraiment, souvent, les animaux vont les vomir. Ils vont vomir des tas de spaghetti. Les gens vont nous appeler. Ils vont faire « Ouais, mon chien vient de vomir comme du spaghetti, mais il n'en a pas mangé. » Comme... OK. C'est des vers. Donc, bon appétit. On jase. Je vous jase. Ensuite, la plupart du temps, quand on va s'infecter, en fait, les œufs vont plus s'enquister, ils vont rester là en dormance. Des fois, ils vont se réveiller, mais s'ils ne s'enquistent pas, l'œuf va se transformer en larve et les larves vont vraiment migrer au travers des tissus. Ils vont aller se loger dans le foie, souvent dans les organes ou dans les yeux. Donc, ça peut arriver que des fois, tu aies un ver dans l'œil. Mais la plupart du temps... C'est donc bien appétissant, ton affaire. Par j'aime contre, ça, ce mot-là, sans quister aussi. Donc, la plupart du temps, les... merci. Donc, la plupart du temps, ça va passer inaperçu. Les gens vont pas se rendre compte qu'ils ont ce problème-là. Et ah, encore là... encore là, les bacs à sable, les gens qui vont manger des légumes crus non lavés, hein, direct du jardin, peuvent s'intoxiquer. La viande crue aussi, il peut y en avoir dans la viande crue. Donc, maux d'ordre, vermifugés. Même le steak haché cru, là? Ouais. Fait que, tu sais, si tu manges du tartare, tu peux en pogner. Ensuite, je pourrais plus manger du steak haché cru. À ce temps que je le sais, je peux le pogner. Ben, tu l'as honnêtement, la plupart des gens ont peut-être déjà plein de kisses dans leur intestin, mais bon. Le troisième, c'est mon préféré. J'aime son nom, c'est Dipilidium. Dipilidium? Dipilidium, c'est vraiment magique comme mot. T'as un personnage donc, pour enfants. C'est un ver plat ou ver solitaire. Donc, il peut... Mais par contre, ça, il y a une petite caractéristique. Il faut qu'il passe par un autre intermédiaire pour pouvoir se développer. Donc, chez le chien, c'est la puce. Donc, le chien va chier des vers. Ben, des œufs de verre, en fait. Okay. Les puces vont aller sur les œufs et les larves vont comme avoir un stade sur la puce. Et ben le chien, il va avoir des puces sur lui, il va se manger, il va se gratter. Là, il va avaler une puce, puis il va se réinfester. Ah, c'est donc une vous pouvez, si mettons votre animal a des puces et que pendant votre semaine, vous avalez une puce, vous pouvez attraper le ver solitaire. Donc, souvent, c'est des ingestions accidentelles. Et l'autre façon, c'est, mettons, encore là, le chien qui vient de pogner une puce puis qui te lèche la face. Là, encore là, tu peux avoir le ver solitaire. Et, ou mettons, les gens qui ont l'habitude de croquer leur chien, genre. Non. Le monde qui tasse des salades. Écoute, croquer ton chien, ouais. S'il y a des puces, oui, effectivement. Ben là, voilà. Mais... puis le ver solitaire, c'est vraiment un ver long plat, comme un genre de ruban. Il va vraiment sortir par segments. Fait que ça va ressembler à des petits grains de riz. Bon appétit. Et la plupart du temps, le ver va se loger dans le petit intestin. C'est vraiment pas grave. Il y a pas vraiment. C'est pas dangereux pour la santé humaine. Mais côté psychologique, on s'entend que si tu sais que tu as un ver solitaire en toi, c'est comme pas le fun à savoir. Est-ce que c'est encouragé d'y donner un nom pour essayer de faire la paix avec sa présence? Ben, Dipilidium. Dipilidium, c'est pas pire. Ouais, c'est vrai. Puis, encore là, traiter contre les puces, vermifugés. Pour la suite du cours, j'ai décidé que vous alliez apprendre comment aller chercher un échantillon frais pour... Non. Oui. Tu sais, elle a pas juste amené un gant, elle a amené une boîte avec des gants. Party pour tout le monde. Ça apprécie, puis elle a l'air vilaine à bord de ça, Bruno. Je suis donc, content de pas Bruno, je vais avoir besoin de ta coopération ce soir. Non! Si mon doigt rentre dans l'anus d'un chaton, oui. C'est sûr que ça rentre dans ton cul. Ah, clairement! Donc, je vais te demander de te mettre à quatre pattes. Ouais, c'est ça. C'est peut-être là que je marque c'est peut-être là que je marque une ligne. Mais si jamais vous voulez... T'as même pas invité à un souper avant quelque chose, là. Ah, oh, OK, d'abord. Non, mais s'il y a des volontaires, vous n'hésitez pas. Je suis très professionnelle, j'ai 13 ans d'expérience, je sais ce que je fais, puis je suis très douce. Puis je suis célibataire et je suis très douce. Je suis très douce. Normalement, mais là, les t'as-tu absolument besoin d'un cul willing pour la fin de ta chronique? Parce que je pense pas qu'on va trouver okay, ça là. OK, d'après toi, man. Sérieux? Ben, je sérieux? Sais pas. Moi, je sors pas du site. Let's go. OK, je vais le faire. Ah ben là, Chris, je viens d'enlever mes gants, man. Faut que j'en... C'est pas grave, t'en as une boîte. Fait que c'est quoi, toi, pour aller chercher les parasites, faut que tu y ailles avec tes doigts. La plupart, pour le Toxocarol, le Dipilidium, et la plupart, on va prendre juste un échantillon de sel. Mais pour la Jardia, c'est vraiment mieux d'aller direct. OK. Est-ce que ça fait une face particulière, un chat, quand tu mets ton index dans son cul? Est-ce que c'est toujours la même face? Pas mal, oui. Mais c'est quoi quand tu fais c'est surtout le cri du cœur qui sort, qui fait comme... Ah, pire que ça. Pire que ça. Fredo, il y avait une question, je pense. Non, pas du tout. Non, j'ai aucune question. Non, je n'irai pas plus loin. Ouais, ben, je suis en train d'essayer d'assimiler toute cette information-là, puis je capote. Oui, je sais, parce que tantôt, elle dit, oh, je viens de trouver à qui je vais. Là, mais je viens de comprendre qu'elle pensait que c'était allait être moi. Non, parce que tu venais d'en dire une un petit peu baveuse, tantôt. Ouais, c'est ça. Ben, j'étais comme, je vais tellement me venger. Ah ouais. Tellement me venger. Ben, c'est tes pantalons. Non, mais Bruno voulait tellement le faire. Mais c'est ça. Tu vois qu'il veut. On vient d'en apprendre plus sur trois parasites. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez un étron sur le trottoir, c'est important de le garder loin de votre bouche. Merci beaucoup, Jesse. Oh oui. Bon, ouais, let's go. On a enfin une autre suite. Vas-y, Monique. Centre de contrôle, en panique, vers la trajectoire. Et dévié à l'hommage en tonne. Entendez-vous, capsule en folie. Ne répond plus. Tout est perdu. Plastique Bertrand avec sa reprise de Major Tom de Peter Schilling. Oui. On en a parlé la semaine passée un petit peu. Composition de Frank Hiebert Oberpichler du groupe Passo Doble qu'on a parlé. À tes souhaits. Ouais. Merci. C'est ça, ça a été fait en 83 et repris deux fois en plus en 83. Donc, par Plastique Bertrand, en fait, son producteur, parce qu'on sait maintenant que n'était pas Plastique. Une des plus vides de toutes les coquilles de l'histoire de l'art et du spectacle. C'est incroyable. Sinon, il y avait Otto Walkes ainsi que d'autres plus tard dans les années. Vous l'avez peut-être entendu dans Breaking Bad. Elle a joué l'original Major Tom de Peter Schilling. Pour ceux qui l'ont jamais entendu, ça a joué dans Breaking Bad. Il y a eu aussi... Et sur un dance floor près de chez vous. C'était pas mal vieux, je pense. Ah non, ça joue encore. Ouais, tu penses? Ah. En tout cas, sinon, il y a eu William Shatner qui l'a repris en 2011, je crois, puis Apop Tigma Berserk, un groupe industriel métal, qui l'ont repris aussi il y a pas si longtemps. Et voilà, tu vois, le métal est allé avant le rap, là, encore une fois. Le métal, il va tout le temps avant le rap. Ben ouais, il y a eu métal loup-garou avant qu'il y ait le loup-garou du ghetto, là. Je sais pas de quoi tu parles. En tout cas, moi, je me comprends. Let's go next. Bon, ben là, j'ai décidé de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Ça me tentait de faire un changement, là, des correspondances et tout. Puis, je suis tombé sur quelque chose que j'ai trouvé fabuleux. Un top 15. Je vais juste faire un top 5 cette semaine. Je vais faire les autres plus tard. Et c'était sur le site datingadvice.com. C'est des conseils pour les rencontres personnelles. .com. Et le titre, c'était... Les célébrités qui sont hot, qui vieillissent horriblement. Ah, puis là, les jeunes, surtout les jeunes, prenez des notes. Ah, écoutez, là, c'est important. C'est là. Très important. Là. On parle de quelque chose de très sérieux. Moi, si t'as du talent, je m'en sac. C'est ça. Si t'es une chanteuse, un chanteur, un comédien, comédienne, t'as besoin d'être beau parce que sinon, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Envoyer Fredo puis il va te faire disparaître. Parce que c'est ça qui compte. La beauté, puis de rester très jeune quand on est très vieux. Oui. OK? Fait que je commence avec le numéro 15, Ozzy Osbourne. Ah, OK. Ozzy Osbourne, 66. Ça vient de l'article de Rebecca Miles. Ozzy a l'air d'avoir besoin de plus de journées de sommeil. Restez loin des drogues, les jeunes. Je dirais plus qu'elle a besoin d'une nouvelle face, mais... Ouais, en tout cas. Moi, je pense qu'elle a raison. Sa face, ça doit être jammée de même à Ozzy. Ouais, c'est ça. Après ça, numéro 14, Kirstie Alley, 64, l'actrice récompensée de multiples trophées, qui était dans l'émission Cheers, Regarde maman qui parle, le bébé qui parle avec John Travolta, un paquet de films. Ça allait bien la carrière à John Travolta. Comeback total, ça. c'est ça, elle était récompensée. Elle pouvait capturer votre cœur et vous laisser là, riant pendant des jours, en quelques minutes. Aujourd'hui, la seule chose qui vole la vedette est son poids yo-yo et sa diète de fuck you en photo. Tabarnak! Parce qu'elle fait tout le temps des fuck you. Mais là, 64, c'est 64 ans. Ouais, 64. Fait que là, elle est en train de chier, la madame de 64 ans. Ben, avec raison. Aussi, ben oui, avec raison. Je pense que... Prenne. Non, mais je pense que aussi, toutes les femmes ici dans la salle en ce moment, prenez-en une leçon, là. Hein? C'est important, ça. Les grosses. Votre poids, ça n'a pas là, sa place, hein? Les grosses. C'est quoi le problème avec votre poids, les filles, là? Pis les LED, organisez-vous pour être belles. Moi, j'ai aucun chirurgie, problème quelque chose. Voyons donc. Bon. À part ça. Qu'est-ce que j'ai fait mon piece, là? Numéro 13, Macaulay Culkin, 34. Il a grandi depuis. Maman, j'ai raté l'avion. Mais à le regarder de nos jours, il a plus l'air d'un voisin épeurant qui pourrait faire peur à un jeune garçon. Hey, sacrément, c'est utile ton c'est article, méta. Mon gars. C'est méta. Ouais, ouais, je comprends. C'est d'aplomb, là. Ouais, ouais, il pourrait être Joe Pesci, là. Pis, ben, et non, c'est le vieux monsieur dans « Maman, j'ai raté l'avion » qui l'aide, vieux, là. Ouais, ouais. Le vieux... Ah, next. C'était la joke de Rebecca. Hein? Donc, elle mange la marde. Ah non, hey, c'est pas ça de Rebecca, c'est une personne avec des valeurs exceptionnelles. Oui, mais ça, elle pointe des photos de quelqu'un qu'elle connaît pas, puis elle lui partage à tout le monde en disant « T'as vu comment il est lettre comme un camion? » Ah, c'est, ça fait du beau potin journalistique, ça. Hein? C'est de l'information avec beaucoup de... Oh, ouais, prenez peu de vacuité, exactement. Dire. En passant, les gars, on essaye d'embonner en vieillissant, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Hein? S'il vous plaît. Tenez-les-vous bon, pour dit. Bon. Bon. Numéro 12, Liza Minnelli, qui a 68 ans. L'autre fois, royale fille de Judy Garland, est surtout reconnue pour sa performance musicale dans le film Cabaret, qui lui a valu un Academy Award. Malheureusement, il semblerait que les meilleurs jours de la meilleure actrice soient derrière elle. En tout cas, en ce qui concerne son apparence. Fait qu'on a compris les drag queens, là? Ouais. On essaye d'être... Non, OK. S'arrêter un gars homosexuel, lui, il l'aurait aimé, par exemple, Liza Minnelli. Parce que, ouais, je peut-être. Sais, c'est pour ça ma joke ouais, de drag queen, mais j'avais pas de crowd. Ouais. Numéro 11, Janice Dickinson, 60 ans, super modèle et juge à America's Next Top Model. Jadis, elle livrait des photos sans défaut à chaque fois lorsqu'elle était dans sa prime. Aujourd'hui, on dit... Dans sa prime de jeunesse, excusez-moi. Aujourd'hui, on dirait que c'est que celles qui ne peuvent plus être modèles jugent les autres. Oh, oh man, ça. Comme elle, genre? C'est ça, ouais, c'est j'aimerais bien ça l'avoir, Rebecca. L'article, là, ouais, elle doit être très belle. Y avait-tu une photo de la fille qui a écrit l'article à côté pour qu'on voit comment être hot? Non. Non, hein? Elle n'a pas ce courage-là, apparemment. Mais elle a des belles qualités pareilles. Oui, on les sent! Bon, numéro 10. Al Pacino, 74 ans. L'acteur a maîtrisé les rôles de gangster, policier et à peu près tous les genres de dur à cuire dans le cinéma depuis les années 70. Navrant que ses cheveux et son sens du style ont encore besoin de nous rejoindre au 21e siècle. On sent un tabarnak. Ben non, Tommy, c'est là que tu fais erreur. Oh, bon. C'est quand tu penses qu'on sent un tabarnak que tu fais erreur, Tommy. Fait que la semaine prochaine, je continue le reste du top 15. Hey, on a qu'on dit. On va s'éduquer avec les bonnes valeurs, nos parents. Qui non, on veut le savoir tout de suite. C'est la semaine prochaine. Pas tant pas, continue. OK, arrête. À la semaine prochaine pour plus de... On bitch sur les pas beaux qui devraient être beaux, même s'ils sont vieux. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Toi, Fredo, passé à TV puis tout, est-ce que ton apparence c'est quelque chose qui te... Il me semble que t'as l'air pareil il y a 20 ans. Oui, mais c'est ça que plein de monde me disent, comme quoi j'ai pas trop vieilli, fait que tant mieux que peu de cheveux qui disparaissent, en fait je vais ressembler à Simon. C'est ça, Bruno. Bruno. Mais Simon. C'est... Oh, je scannerai pas pour 4 lettres. Bon, t'avais une bonne chance. Simon, t'as une chance sur 2. Je scannerai pas pour une coupe de lettres, ça va aller. Mais ça, c'est le truc, hein? Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Quand t'en as plus, là? C'est ça, tu... C'est ça, t'es enlèves. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, là, je m'en fous. Mais non, juste faire attention à le genre de valeur que tu passes au monde. Oui, c'est ça. Et que je suis pas superficiel. Ben oui, c'est ça. Boy. Travaille là-dessus. Eh oui, certain. Ah, let's go, on en fait un autre avant la pause. Puis, non, j'allais dire, si ça vous tente de voir de la magie dans une minute ou deux, je pourrais vous en faire un si ça vous tente bientôt. Ouais. Là. Moi, je le veux tout de suite. Bon, on va faire un autre chroniqueur, puis après, on va faire un tour de magie avec Fredo. Ouais, on fait ça de même. Let's go. Laurent. Tu vas être content, hein, Laurent. On m'informe que Chinook, notre danseur radiophonique, est maintenant dans le building. On est très content. Salut, Chinook. Chinook! Je sais pas c'est quoi. Tu nous parles de quoi cette semaine, Laurent? Alors, pour faire suite à Trace de Break du passé numéro 1, Trace de Break du passé numéro 2. Ah, ça... ça alors, c'est la suite, là. Pour vous informer, Trace du Break du passé, c'est pour rendre hommage à tous ces oubliés, ceux qui n'ont pas fait l'histoire. C'est là qu'on applaudit. OK, d'accord. OK, alors, cette semaine, je vais vous parler... Très émotif, Laurent, ce soir. Très émotif. Vous allez comprendre. C'est impossible pour moi de ne pas vous entretenir d'un duo qui n'a pas su marquer l'histoire par lui seul. Je parle bien sûr du duo formé par Francis et Diva Gingembre. Le duo Gingembre. Mais heureusement, grâce à 70% et Traces de Break du passé, le duo Gingembre peut tendre à sortir du placard et battre des ailes pour un second souffle. Et qui sait, peut-être... À votre demande, feront-ils une apparition dans votre prochain souper de Noël dans la belle famille au buffet chinois? Francis Gingembre est originaire de Baie-Comeau. Ou Fermont, il n'en paraissait plus certain. Si on en croit ses dires, il serait l'inventeur de la coupe Longueuil. En effet, il aurait adopté ce choix capillaire lors de son deuxième passage en prison pour tentative de viol sur des animaux d'élevage. Ayant passé son enfance près d'une ferme, il est plus aise de comprendre sa pathologie qui, au fond, en est-elle vraiment une. À la blague, et pour se repentir de ses actes qui vivent maintenant dans le passé, Francis a même composé « Coït, coït, coït », une chanson qui parle d'une relation avec une poule. Il est très attachant. Comprenez mon émoi. C'est autour de cette époque de révélation artistique qu'il rencontre Diva Coupé, mieux connue sous le nom de Patate ou encore Moton, au parc aquatique de Piémont, où Francis aimait passer ses après-midi près de la piscine pour enfants, le plus clair du temps, sur le ventre. Diva était belle, mais Diva avait une vie particulièrement particulière. En effet, Diva ne possédait pas l'usage de la parole. Aussi, il lui manquait ses bras et ses jambes. Diva était donc une femme tronc muette. Mais Diva était aussi la championne mondiale de la glissade en cascade d'eau. Son physique unique lui a fait battre tous les records de freestyle. Avec un casque de bain, en plus de lui ressembler, c'était un vrai missile. Il n'en fallut pas plus à Francis pour que son cœur vacille. Et, en moins de deux, il décida de l'enjamber et de la marier dans son sous-sol. Chose de classe, là. Hein? C'est là que ça se fait. Depuis ce temps, Diva vit dans le garde-robe de Francis, accrochée à un cintre. Durant la saison estivale, il la sort pour ses compétitions de glissade d'eau, mais il nous assure qu'elle voit aussi le jour pour consommer leur mariage à chaque fois qu'il boit. Elle communique maintenant avec l'usage effréné de ses paupières, dans un langage que manifestement seul Francis semble comprendre. Parce que l'histoire a oublié leur duo épique, il est de mon devoir, ici, ce soir, maintenant, à 70%, de vous présenter leur presque hit, leur duo d'amoureux, un titre long, mais ô combien catchy. Si ta tête tournait comme dans l'Exorciste, la sodomie ne serait que le fruit du hasard. Alors, je vais vous faire une lecture et analyse des paroles du texte avant l'écoute. Musique. Chariots of Fire. Ouais, c'est l'autre. Je te sors du placard. Je te prends dans le noir. T'es comme un gros asticot qui descend les cascades d'eau. C'est fini, les branlettes. Ta bouche est toujours prête. Tes mognons me chatouillent et tes paupières m'aèrent. Tu me rappelles les moutons qui sentaient la pisse. Puis aussi mon veau qui me rongeait le dard. Si ta tête tournait comme dans l'exorciste, la sodomie ne serait que le fruit du hasard. Vous voyez quand même ici une grande, grande recherche sur les rimes. Une grande recherche sur les rimes. Alors il me reste donc à vous faire écouter la chanson originale. Vous verrez, au milieu, vous verrez, je vous demanderai de prêter attention, il y a un solo de paupières qui est la seule participation de Diva. Alors, musique. C'est encore pas elle? Non, pas elle. Pas elle. On va l'avoir. Ben, moi, c'est ça qu'on m'a donné. Je vais aller voir. Alors, il manque vraiment le plat principal. En passant, je vais vous divertir un petit peu parce que j'ai réalisé aujourd'hui que j'ai signé un bail. À côté, là. Et puis, on est le 11 mai. On est le 11 mai, puis ça fait aujourd'hui... Ça fait aujourd'hui 26... Coupé. Je te sors du placard, je te prends dans le noir. T'es comme un gros asticot qui descend les cascades. C'est fini, les branlettes. Ta bouche est toujours prête. L'oignon me chatouille et tes paupières m'aèrent. Solo! Woohoo! Oh yeah! Oh yeah, go! Tu me rappelles les moutons qui sentaient la pisse, puis aussi mon veau. Rongeait le tort. Si ta tête tournait comme dans l'exorciste, la sodomie ne serait que le fruit du hasard. Oh yeah, le fruit du hasard. Merci beaucoup, Laurent. Très touchant, c'était... Oui, je te poserai des questions sur les DJ une autre fois, je pense, de toute beauté. Oui, je pense qu'on est encore en... Ça se passe, Fredo, on fait ça debout, parce que d'habitude, on prend une petite pause vers la moitié. Fait qu'on va faire ton tour de magie, ben oui, ensuite, certain. On va passer en pause avec notre danseur Chinook. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est de passer après lui. Oui. J'aurais pas de point de même. Moi, est-ce que t'as comme... C'est-tu là-dedans que tu mets toutes tes... Parce que nous autres, on joue pas avec ça, là. Tu sais, avoir une vessie de vipère pour faire les spells niveau 2 ou les components, genre, là, t'as... Ah, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Ah, fuck. Ah, okay. Fuck. Qu'est-ce que je fais avec ça? Attends, mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui va venir m'aider, OK? Bouge pas. Okay. Ouais, celui qu'on a jamais vu de la soirée à date, là. Il y a des tatous de prison pis tout, là. Si la tête tournait comme dans l'exorciste, la sodomie serait une question de hasard. Ah ouais, hein? Ah oui, recule, Bruno. Non, mais, ouais, mais à moins que ce soit pour entendre à la radio, mais sinon, il okay, faut que tu me suives, par exemple, OK? La radio, c'est super hot. Okay. Vas-y, Bruno. Ouais, c'est fantastique. Ah non, mais c'est très 70%, on aime ça. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, tu t'en vas où? OK, gars, juste avant de commencer, j'ai une imitation à te faire. Quelqu'un qui revient du Mexique. Écoute. OK, comme ça. On va donner un pouvoir magique aux cartes, OK? Donne-moi la main comme ça. Tiens ça comme ça, bouge pas. Et oui, ça, moi, ce que je fais, c'est comme ça. Toi, tu frottes des pieds par terre. Doucement, comme ça. Vas-y, vas-y. C'est quoi? Ce que tu fais là, ça sert à rien, mais c'est super drôle. Ok, continue. Vas-y, continue, continue, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. On va jouer à quelque chose, ok? Ok, si tu cherches ta montre, c'est moi qui l'ai. Ok. Ça, t'as les cartes sont différentes, regarde, tu vois? Comment ça? Prends une carte, celle que tu veux. Ça va mal finir. Montre-la à tout le monde, pas à moi. Sortir-le comme fou. C'est bon? Ouais. C'est bon. Dis-moi stop quand tu veux. On fait place là juste ici. Ton nom, c'est? Bonne mémoire. Bravo, c'est bon. Okay. Ok, Frédéric, on joue un jeu, ok? J'essaie de trouver ta carte, mais pas avec mes mains, avec une autre partie de mon corps. Et là, calme-toi. Combien... Rectum! Ok, Non, ça me tentait de le dire. Combien de chances tu me donnes pour la retrouver? Une, deux, trois, combien de chances? Une. Une, généreux, c'est cool. Il y a un sérieux, ça. Ça. Oh non, c'est fait là. Il a mis le paquet dans sa bouche. Mais ça compte pas, vu que tu l'as pas eu la première fois. Non, mais j'avais une chance, tu comprends-tu? Ok, c'est bon, je comprends. Une chance, c'est bon. Là, celle-là, faut que je l'aide. C'était quoi la carte que t'avais choisie? T'en souviens-tu? Ben, je l'ai pas regardée. Ah, c'est l'autre qui l'ont vu. C'était quoi? Ah, c'était ok, on va recommencer. Non. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. On le brûle! C'était bel et bien l'os de Corot. On le brûle! Yes. Merci Fredo, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants pour la suite de votre programme. Esti, hein? Ça doit être avec les filles. Commandité par la fête des mères. Ouais, let's go, parle les clips, Nick. Chinook, viens danser ça! Mother's Day. Didn't get a gift for her. Other plans got in the way. She'll be so disappointed. Damn, I forgot it too. This could have been avoided. What the hell are we gonna do? My mom's been so alone ever since my daddy left. Cold. No one to hold her tight. Life has put her to the test. I know just what you mean. My mom's been so sad and gray. Word. My dad can't satisfy her in the bedroom ever since he passed away. Hold up. Thinking what I'm thinking. I'm thinking, I'm thinking too. Slow up. What time is it, dog? It's time for a switcheroo. We both love our moms, women with grown women needs. I say we break them off, show them how much they really mean. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lady where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. On this loop and roses. I got my digital camera. I'ma make your mama do a million poses. They will be so surprised. We are so cool and thoughtful. Can't wait to book your mom. I'ma be the syrup, she could be my waffle. Shout up. My mama loves bubble bath with chamomile. Straight up. Give it to my mom. Doggy style. This is the perfect plan for a perfect Mother's Day. They'll have to rename this one all up under the covers day. Cause I'm a mother lover. You're a mother lover. Fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that lady where you came out as a baby. Ain't no doubt this shit is crazy. Fucking each other's moms. Break it down. It would be my honor to be your new stepfather. It would be my honor to be your new stepfather. And while you're in my mother, make me another brother. Damn. And while I'm in your mother, I'll never use a rubber. Oh. Cause every Mother's Day needs a mother's night. Yeah. I can do it myself. To be like a brother, so be my mother lover. They blessed us both with the gift of life. Uh-huh. She brought you in this world, so I'm a sex her right. This is the second best idea that we've ever had. Uh-huh. The choice can be no other. Be my mother lover. Happy Mother's Day. photo de lutteur aussi. Ben oui, ben oui. Hi there, I'm Adam, Prince of Eternia. This is my kitty, Mr. Cringer Pants, the most cutest kitty in the universe. Fabulous secret powers revealed to me the day I held aloft my magic sword and sang. And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. And I realize quickly when I know I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I cried some time when I'm lying in bed to get it all out what's in my head. And on est vraiment là avec vous. Un autre petit tonne, je vais faire une photo de Luther avec notre invité. I said a hip hop, the hippie to the hip hip hop. You don't stop the rocket to the bang bang. He said up jump the boogie to the rhythm of the boogie, the beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to groove your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say, up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock, you don't stop, rock the rhythm that will make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. Et voilà, la tradition a été respectée. Il est même en train de me faire un beau dessin sur la carte ici, de toute beauté. Ouais, Nick, on va être prêt à continuer le show, s'il te plaît. Ah, de toute beauté. Donc, s'il te plaît, Nick, parle l'indicatif de notre prochain chroniqueur. Qui veut la job à tous les Québécois? Engagement! Salut, salut à tous! Salut! Salut! Steve-o, non. Fredo. Oui, c'est ça. Ouais. On était pas loin. Steve-o, yes sir! Je vais me pitcher dans les murs, le kid pogné par les couilles et tout. Ben ouais, toi, ben ouais. Bon, ben je vous laisse, salut. Ok, hey! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Simon, Simon, en plus. Simon, avant de commencer, je voudrais juste te remercier pour ta créativité pour mon jingle. Ah, de rien, ça fait 100$. Depuis la nuit des temps, le Québécus Montréalus doit se poser la question juste avant le mois de juillet. Est-ce que je dois renouveler mon bail ou je dois quitter ma caverne? Et ça fait, ça rebondit d'ailleurs, félicitations, tu as signé un bail, moi j'attends pour en signer un. Et c'est ça. Mais qu'en est-il du Francus Chialus qui vient envahir les terres du Québécus Montréalus quand il s'agit de s'installer? Je vous dis ça parce que c'est une question que les anthropologues québécois n'ont pas su, une question auxquelles ils n'ont pas su répondre. Je vous dis ça parce que ça fait quelques semaines que je cherche un appartement à Montréal. Ouais, à côté. Je crois que je l'ai visité en plus. J'ai dit ça à mon pote tantôt, je me suis dit. Ah, tu lâches? On s'en reparle après. Est-ce qu'il y a un grand balcon? Est-ce qu'il y a trois chambres fermées? Hey, ta gueule! Ah ouais! Bah oui! Non, non, arrête, c'est lui, super il intéressant! Hey, il fait chier, il croit mon service! C'est quoi ces conneries? Bref, c'est pas comme ça que je trouve un appartement, je m'en fous. Alors, on a visité à peu près, à date, mon colocataire est en train de visiter le 22e appartement sur 2 semaines. Oui, on a des critères un peu poussés, mais quand même, c'est marrant. Il nous est arrivé quand même pas mal de petites anecdotes super sympas lors de notre visite. J'en ai retenu 4. Qui était quand même cool. Hier, on a visité dans l'ouest de Montréal, on a visité un appartement. C'était un 2,5 000, il y avait des pièces partout, on ne savait plus où se foutre, il était pas cher. Puis on se dit, bon, il y aura des petits travaux à faire, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Et puis en fait, mon coloc, que je salue au passage, qui doit être probablement en train de visiter un appartement dans ce même quartier, dit, faudrait checker l'isolation des fenêtres parce que je suis pas trop sûr. Bon, du coup, il rentre dans la chambre et sur la fenêtre, il y avait, c'était un appartement d'artiste, je le précise, il y avait inscrit sur la fenêtre, au simple vitrage, « Ma fenêtre est un jardin de givre ». Véridique. Véridique. Donc, il me dit ça, il me chuchote dans l'oreille. Écoute, il y a marqué ça sur la fenêtre. C'est très poétique, mais je doute de l'isolation de la maison. Je doute que cet hiver, on est chaud aux couilles. Donc, on est parti. On a dit, il y avait trop de travaux. Le propriétaire a dit, on n'a pas très bien compris. Du coup, on s'en est allé. On a visité un autre appartement qui est bien, qui est plutôt pas mal. Et puis, en fait, on nous a envoyé le règlement. Et dans le règlement, il est indiqué, il est interdit de faire du bruit, passer 8 heures, il est passé, tout ça, il faut sortir ses poubelles tel jour, nanana. Et à la fin, c'est marqué, vous devez nourrir les chats du quartier. C'est dans le règlement, là, il y a un truc avec la SPCA, puis tu dois nourrir les chats du quartier, tu dois les laisser venir chier sur ton balcon et leur laisser 2-3 croquettes, et voilà, c'est dans le règlement, tu le signes, t'es obligé, t'es pogné avec des chats. Mais ils rentrent pas dans l'appartement. Voilà, j'ai visité un autre appartement où il y avait un espace de rangement qui devait être, c'était une sorte de dressing là, qui devait être pas plus large que ça, donc le fond ici, puis comme ça. Puis j'ouvre là-dedans et puis je vois, oh, c'est un grand rangement, je suis surpris. Et la propriétaire de me dire, ah, yeah, oui, mais c'est un super espace de rangement, on pourrait faire une chambre pour du Airbnb. Puis je rigole aussi parce que bon, il fallait être poli. Sauf que on laisse redescendre la pression humoristique de la chose. Puis je sens qu'en fait, après cette pression humoristique, il y a comme du sérieux au fond de son regard. Puis il me dit, non mais là, on peut vraiment faire une chambre d'Airbnb là. Oh non, t'es sérieux, c'est toujours drôle. Je prie le Seigneur qu'elle soit drôle. Puis en fait, non, elle pensait vraiment qu'on pouvait caler un matelas, une place dans un débarras, dans une armoire. Voilà. Mais c'est quoi du Airbnb? Le Airbnb, c'est tu te pointes, c'est un site sur internet, tu te pointes et t'as des photos de chambres et c'est un peu du bed and breakfast chez l'habitant. Mais là, du coup. C'est comme du couchsurfing, oui, mais en payant et en plus beau. Avec des étoiles. C'est ça. Et le dernier, je voulais garder pour la fin parce qu'il va vous plaire celui-là. J'envoie un mail, je reçois un coup de fil d'un monsieur, je suis au travail, je peux pas trop parler, la loi du silence. J'en reçois un coup de fil d'un monsieur qui me dit, oui voilà, dans un accent français, qui me dit, ouais tout ça, je vous appelle pour vous dire que vous m'avez envoyé un mail pour de la colocation, malheureusement je ne loue qu'aux familles. Et moi j'y réponds juste par des mots à une ou deux syllabes, oui, non, vu que je suis au boulot. Et quand il m'annonce ça, je lui dis, ah c'est bien fâcheux. Et là, le mec fait, attendez, vous êtes français? Oh, de la coquinerie. Attendez, c'est pas fini. Et là, il me dit, ah, mais si vous êtes français, virgule, ça change tout. Attends, là, on jase, là. Attends, la suite. Donc, il me dit, ça change tout parce que, vous voyez, je ne loue pas aux Québécois. Chris, il n'a pas choisi sa place pour pas louer des Québécois. Ouais. S'il y avait eu des appartements en France. Attendez. Donc, on jase un peu. J'en parle à mon coloc. Il me dit, mon coloc, il me fait, ouais, ça commence mal quand même ton affaire. C'est un peu craignos. Je dis, écoute, on va jeter un œil, on va voir pour rigoler. De toute façon, on avait que ça à foutre de notre samedi. Voilà. Donc, on arrive à l'appartement. Et on sort de la bagnole, puis il y a deux types qui descendent, c'est-à-dire qui sortent d'une visite, puis mon coloc, il regarde, il me fait, attends, il fait une entorse pour une colocation, alors qu'il look aux familles, et puis il look à des Français, on est deux Français en colocation, il y a deux Français en colocation qui viennent de sortir, je pense que l'entorse, il l'a fait peut-être un peu trop. Donc, foutage de gueule numéro 1. On arrive, bonjour monsieur, ça va, ça va, on discute. Ah oui, vous savez, oui, vous êtes ceux que j'ai au téléphone. Ah ouais, mais oui. Vous savez, moi je loue pas aux Québécois, bis. Parce que ces gens-là manquent de savoir-vivre, vous savez. Ils payent pas leur loyer, gna. Et puis tu sais, vous savez, on sentait la petite flaque sous-jacente. Tu sais, je fais des jokes sur les Québécois, sur votre capacité à choquer ou sur vos fautes d'orthographe. Là, on en parle, puis après vous me tapez, puis j'ai oublié comme par hasard. Mais... Là, non, on s'entend que là, c'était comme, tu sais, le... C'était un style de vie, lui. C'est comme s'il y avait comme une petite brume de merde, tu sais. Ouais, genre, ouais, vraiment. Tu sais, la brume se dissipe, mais elle revient, parce que, tu sais, il y a la brise et tout ça, bref. Et donc, on continue. Donc, voilà, on visite l'appartement. Il est très propre. On a l'impression d'être dans une maison témoin. Ça sent bon, c'est décoré avec goût. Et donc, on se pointe. Bon, la cuisine, machin, c'est tout refait. Ah ouais, moi, j'ai tout refait. Alors, tiens, ça, c'est les plaintes. Ça, c'est le truc. Le tuyau, il marche et tout. Bon. Et où est l'entrée, la sécheuse? Eh ben, elle est là. Ah ouais, mais c'est une chambre. Oui. Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire, oui, voilà, que tu auras une laveuse sécheuse dans ta chambre. Bon, ok. Donc, on remplit les papiers de crédit pour voir. Donc, mon coloc est ingénieur en aéronautique génétique spatiale. En gros, il est ingénieur. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Non, je suis développeur front-end, cher ami, dans une compagnie très généreuse. Et donc, je remplis mes papiers, les informations, le salaire $1 million, tout ça, c'est connu. Et puis voilà. Donc, il regarde mon truc, il regarde mon enquête de crédit, puis il fait « Alors, vous êtes développeur ?»« Oui. Hein ?» Ok. Il loupe au développeur, hein. Et ça, c'est le bon chiffre de votre salaire, c'est ça ? Oui, oui. Ok. D'accord. Il y a eu ce blanc-là aussi. Donc, mettons, on fait bon, d'accord, et puis on, avec mon coloc, on se regarde, on s'envoie des regards interposés, genre, tu sais, le signe pour dire que abort, abort, cancel, get over, fuck you, and shit. Et, donc, voilà, et puis. On et rentre puis, à la base. Oui. Et puis, voilà, on rentre à la base, on se casse, c'est un trou de cul, puis voilà. Et, repli stratégique. Voilà, repli stratégique, et puis voilà, donc on, après, il y a, tu sais, ce passage-là, tu sais, où tu quittes. En jasant, tu sais, genre, ah oui, vous savez, il fait beau en ce moment, les oiseaux et tout. Sauf qu'il aurait pu parler d'oiseaux et du beau temps qui est revenu, pas aujourd'hui. Et non, il a préféré faire ramener un peu de brouillard de caca. Ouais, ouais, ouais, je genre vois. Genre faire, tiens, regarde, du brouillard de caca, tiens. Et là, une bonne dernière impression. Voilà, une superbe dernière impression avec un magnifique, ah mais oui, mais vous savez, je sais bien, je loue pas aux Québécois, mais vous savez, ces gens-là, les Québécois. Nous savez, ça fait 20 ans que je suis ici. Hein. Ça fait 20 ans que je suis ici, puis... Ah, il paye pas... Non, pas moi, le mec. Moi, ça fait 2 ans, merci. Ça fera 2 ans mercredi, d'ailleurs, buvez à ma santé. Et le mec commence à dire, genre, les Québécois, vous savez, ces gens-là. Bon, j'en ai hébergé, vous savez. Je sais comment ils fonctionnent. Ils sont... Ah, vous savez, ils sont... Et non, il arrive pas... Il n'a pas d'argument valable. Ils sont... En saupoudrant de la merde, là, ça marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. Et donc, ouais, ils arrivent rarement à l'heure. Gnagnagna. Et bon, dans un espoir salutaire, je me suis équipé de mon épée de français plus 1. Et je suis arrivé, je lui dis, vous savez, cher monsieur, les Français, il y en a plein qui n'arrivent pas à l'heure et qui choquent et qui font. On est comme vous, sauf qu'on mange moins gras. Et je lui dis tout simplement ça. Je lui dis, monsieur, vous savez, j'ai fait visiter les trucs à les Français et tout. Et là, il a pris un coup de... Il a paré le coup d'épée de français. Il a dit « Ouais, mais au moins les Français payent leur loyer. » C'est vrai. Et la communication a fini comme ça. Et on s'en est allé. On a été dans la voiture. On s'est regardé. Donc voilà, on a fait « Oh, bah dis donc, c'est un gros con. » Et puis, bah ouais. On s'en est allé à la visite suivante. Et qui était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on doit attendre... on attend des nouvelles. Donc, priez pour moi. J'espère être aussi chanceux que toi. Et puis voilà. C'était tout. Cherchez les appartements à Montréal. Puis si vous tombez sur lui, passez-moi un petit coup de ah, et oui. Chie dans sa boîte aux lettres. Merci. Smoke Sonnet, va-t'en pas trop loin. On va parler tout de suite, je pense. Tu veux qu'on parle tout de suite? Ben oui, ben parce que t'es le VJ tantôt. Ah, oui, et est-ce que tu nous as préparé de quelque chose en particulier? Pour m'en mettre de ces émotions de recherche d'appartement, récemment, j'ai cherché des commanditaires pour mon set de VJ. Donc la SDA et le CCC. Donc la SDA, c'est la Société Destructrice des Animaux. Et le CCC, c'est le comité contre les chats. Comité contre les chats. Voilà, à part ça, j'ai trouvé une vidéo plus ou moins compromettante de notre invité parce qu'il ne joue pas au Magic. En fait, il révèle un de ses secrets sur YouTube. Oh. Et ça, c'est... c'est lourd, là. C'est moins deux. Mais j'ai une autre pas vidéo. Pas un secret de magie, là, genre un secret personnel, là. Non, j'ai pas réussi à voir les bandes. Ah. Désolé, pas ce coup-là. Et puis voilà. Et ce genre de choses. Je vais essayer de vous rajouter 2-3 trucs de chez nous, histoire de faire un peu de culture. Chez nous, tu parles de chez toi, là. 50-50. C'est bon. T'inquiète, il y en a des affaires québécoises, j'ai fait le tour. Puis il y aura du français, puis il y aura évidemment de l'américain à fond. Et voilà. Est-ce qu'il voilà. va avoir ouais, le oui. clip du Quizcast de CCC? Peut-être. T'as qu'à rester jusqu'au bout, tu verras. Et voilà. La dernière fois, Simon Kishonet avait fait 1 heure de VJ. Ça avait été épique. Cette fois-ci, il y en a 2 heures. J'espère que vous allez faire vos échauffements pour les projectiles avant. Oui, ça va c'est être ça. De toute beauté. Ne jetez pas vos bouchons n'importe comment. Gardez-les précieusement. Ça vous sauvera du temps sur des clips de merde. Merci. Et voilà. Simon Kishonet, mesdames, messieurs. Ce qui fait qu'il nous reste 2 chroniqueurs avant la fin du monstre. Let's go. Next. Si tu me permets, Mathieu, juste avant que tu commences à nous parler de ta semaine, notre invité Fredo doit quitter. Donc, j'aimerais qu'on l'applaudisse pour son départ. Qu'il se souvienne qu'il a été apprécié ici. Merci beaucoup. Et que tu repasseras faire tout un tour. L'univers, hein? C'est pas mal le fun. Merci beaucoup. Tu reviendras faire un tour. J'ai une game de Magic. Salut, bonne soirée. All right. C'est sûr que c'est pas ça. Allez, viens t'asseoir, Toto. Hey, salut Fredo, merci. Wow, Toto! Bon, j'allais y dire abracadabra, hein, parce que c'est ça qu'on dit dans le milieu. Voilà. Shazam, ça dépend. Hey, Bon, mais bon, c'est rendu Toto! Il s'est radicalisé, il s'est transformé, mais il s'est tire-bouchonné! Oh boy! Message politique! Le dimanche de 5 à 6 heures, de 17 heures à 18 heures hein, plutôt, je fais une émission qui s'appelle Le Superflux avec notre avec ami Damien. Ben oui. Blaise Bouchard, un génie, faut le dire, c'est un génie. Ah, il fait chier, hein? Moi, ouais, il fait chier, moi. Donc, c'est ça, c'est Le Superflux. Moi, je fais un horoscope. Ça torche, là, c'est cool. Ouais. Le message est passé. C'est ça. CISM, dimanche soir, 5 à 6 heures, Superflux. Ouais, avec Damien. Y'a-tu un podcast de ça? Ouais. OK, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites à écouter ça, là? Informe-toi. Let me Google that for you live. Moi, je le dis pour le monde qui le saurait peut-être pas, là. T'as raison, c'est vrai. Parce que moi pis Benoît Poirier, on est de même. Ah ouais? Ouais. Toi pis Ben? Uh-huh. Hein, moi je l'appelle on Ben. On a un band ensemble. Ah ouais? Mais moi je l'appelle Be. Oh. Tout le monde l'appelle Be, ceux qui le connaissent pour vrai, en fait. Là. Let's go, Mathieu. Ben non, mais c'est ça. Hein. Là, on a du fun, là, mais là, on passe à quelque chose de moins trippant. Là. Cette semaine, à la demande générale, je dois l'avouer, et aussi un peu parce que je fais ce qui me tente, je vais te parler de la Trinité, Tommy. Ouais, yes! C'est vrai que je te l'avais demandé. Ouais, ça, ouais. Ouais, ouais. La Trinité. Regarde-le. Calice. Assoiffé juste à côté de la fontaine de la connaissance. Let's go, Mathieu. C'est un dossier plus que tiède, évaporé pour certains. C'est un sujet lourd et ennuyant, mais combien passionnant, hein? Parce que la Trinité, c'est quand même la rencontre avec Dieu, Tommy. Oui! Yeah! Je le sais, je le sais, calme-toi. Je le sais que Dieu, il a pas la cote ces temps-ci, et que aussi la tendance est plutôt musulmane, hein, ce qui a trait à la haine, en général. Voilà. Attention, attention, je ne suis pas venu ici faire le procès du monde que les chapeaux leur font, hein? Formulation de Tommy Godet. Je suis plutôt de ceux qui s'ouvrent à l'existence en empruntant, hein, le chemin de Garnotte. Nos salaires, nos statuts sociaux, la couleur de nos peaux, pis ce qu'on se crisse dans le cul, les lumières fermées, ça change fuck all à cette Garnotte. Elle est là, hein, sous nos pieds, cette Garnotte, c'est la réalité. Oui, oui, tu peux essayer de faire comme si elle n'était pas là. Oui, oui, tu peux essayer de convaincre les autres qu'elle n'est pas là. Mais va toujours falloir que tu puisses répondre à cette question-là. Ouais, mais tu sais, si c'est si lisse que ça le chemin, pourquoi que toutes les 30 km, il y a une pancarte, c'est écrit « chemin de Garnotte » Tu vois, les gens parlent mal, mais sont pas fous, Tommy. Parce qu'elle est là, l'hostie de Garnotte. Et on se le cachera pas, tout le monde le sait, hein, ce qu'on apprend à l'école secondaire, c'est secondaire. Hein. C'est ça. Je veux dire, ben, je te regarde, là, toi, t'as l'air de le savoir. Clairement, Toto, quand je le regarde, toi, t'es au courant en baptême. Ah, start mon pas. Et notre bon gouvernement libéral aussi le sait, hein? Tellement, il le sait tellement qu'en janvier l'année passée, il nous annonçait que dès 2017, le diplôme d'études secondaires ne serait plus vraiment considéré comme une preuve de l'atteinte d'un niveau académique. Hein? Attends, fait que c'est même pas un niveau bas, c'est aucun niveau académique. Levez la main ceux qui sont au courant de ce que je suis en train de dire. C'est déjà correct, on mais est c'est un les bon 2%. Oh, ben c'est ça. J'ai pas le temps, Steve, faut battre le lightning. Non, Tommy, on a le niveau qu'on mérite. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et bon, avant, t'avais besoin de 28 unités pour passer. En 2017, ce sera 18. Et puis, depuis l'ancienne réforme, là, un première secondaire, ça ne peut plus couler. Ah, c'est comme ça. Premier et deuxième secondaire, ça, c'est comme considéré comme un cycle. Ça, tu fais deux années, tu fais ce qui te tente, puis après ça, tu es évalué. Tellement qu'en 2017, paraîtrait qu'un secondaire 1 qui aurait coulé tout son secondaire 1, puis la moitié de son secondaire 2 pourrait se retrouver en troisième secondaire. En secondaire 3. Ça serait comme un secondaire 1,5. Voilà. Aïe. Et là, je t'entends, public. Je t'entends, tu me dis, mais Mathieu, la Trinité dans tout ça. C'est ça qui était... Ouais. Ouais, à partir de là, il faut que tu comprennes que ça fait déjà pas mal 5 minutes, hein, que c'est une métaphore. Okay. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand on parle du Père, on parle du passé, de la culture, de nos souvenirs, de ce qui fut. Quand on parle du Fils, on parle de l'avenir. Du cœur, hein, de ce qui sera. Et quand on parle du Saint-Esprit, de ce qui est le moment présent, eh bien, on parle d'une arnaque. Voilà. Fuck you, l'Église. Non, je te... Des hosties de pédophiles. Calme-toi. Les statistiques sont là. Statistiques ne mentent pas. C'est nuancé, mais... j'aime ça. Hein, on se calme. Il y a quand même d'autres niveaux. Est-ce que je suis en train de te dire? Plus sérieusement, l'Église nous a aussi mindfucké avec le Saint-Esprit. Hein? On a pensé que c'était l'autre, hein? Que c'est un ange descendu du ciel, un concierge. Hein? Non. Mais oui, dans le physique, ça s'applique. Dans la réalité physique, oui. Hein? Oui. Oui, le Saint-Esprit peut prendre cette forme-là. Une rencontre, une invitation, une bonne nouvelle. Hein? Mais dans nos têtes, là, dans nos têtes remplies d'images puis d'associations à faire, là, le Saint-Esprit prend la forme de l'inspiration. Et quand on est inspiré, on est... Utile. Créatif, tabarnak. Okay. Bon. Non, mais c'est gay, je t'en ai parlé tantôt. D'où, Mathieu? Où on est victime d'une muse. Ouais. Ça, c'est un autre dossier, ça. C'est dans le dossier cause et conséquences. Voilà. Et bon, quand on est inspiré, on est créatif. Et là, je t'entends, tu me dis, Mathieu, moi, je suis pas créatif, jamais été manuel, je suis pas sûr que je suis capable. Un instant, un démon à la fois. Tout le monde est créatif. Tout le monde est créatif dès l'instant où l'individu fait un choix. Tout le monde est créatif dès l'instant où l'individu fait un choix. Qu'il en soit conscient ou pas, l'individu qui fait un choix... crée ce qu'on appelle une possibilité. Des possibilités. Et, bon, essaye de me challenger là-dessus, là, mais l'humanité ne fait que des possibilités. C'est la seule chose qu'on peut créer. Des possibilités. C'est possible. T'as raison. There's more beer, right? T'inquiète-toi pas. Oh, okay, il est profond, bon. À soi. J'aime ça, Mathieu. Ouais, continue, man. Faut suivre. Et là, j'ai une question pour toi. J'ai une question... Comment l'humanité évalue-t-il ses possibilités? À la voix. Ça doit être l'argent? Oui. C'est-tu l'argent? Oui. Les likes. Ouais, l'argent, les likes, puis appeler la voix. Ouais. Le cul, disons-le. Ouais, le faut, ouais, ok, le ouais. Cul. Le cheptel. On parle de mode, hein. Et moi, la mode, là, ça me dérange pas du tout, je le sais, ça va revenir. Garde-le, ton petit jacket. Hey, ça se tweet, ça, mon gars. La mode, ça va revenir. Eh bien, bon, l'humanité évalue ses possibilités de la manière qu'il le peut. Hein? On a tous le niveau qu'on mérite. Eh bien, la Trinité tente à nous révéler, en fait, comment on doit faire ça. Et bon, ils l'ont crypté, eux autres, là, mais ils ont dit par le Père et le Fils en les unifiant dans l'Esprit-Saint. C'est-tu pas merveilleux, ça, Tommy? Ça me touche. Mais il n'y a personne qui comprend. Donc, je vais l'expliquer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Parce que c'est difficile un peu à comprendre. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'il manque une question, en fait. Et comment on unit le Père et le Fils, en fait? Hein? Ça, c'est la grande question. Pas une affaire de pédophilie. Ouais. Sacrement, une affaire de pédophilie. Milk Brothers! On l'unit, OK, par l'essence même de ce qu'on appelle la créativité, c'est-à-dire l'intérêt. Toi, tu me suis, j'aime ça. Ah oui. L'intérêt, une forme modèle, une forme moderne de ce qu'on appelait avant l'attirance, hein, ou la curiosité. Hein. C'est des formes de choses qui se ressemblent, qui sont comme dans les mêmes eaux. Bon, qu'on le veuille ou pas non plus, la curiosité, c'est une forme d'amour, OK? Oui, c'est vrai, OK, c'est okay? Bon. Qu'on le veuille ou pas. OK, qu'on le veuille ou pas. Et pour bien comprendre ça, il faut saisir aussi une autre métaphore. Et là, je vais vous inviter à faire une activité. On va faire le signe de croix. Ah, faut qu'on fasse de quoi, là? Ouais. C'est bon, là, moi, je suis prêt. J'ai ma main droite chargée, là. C'est la main droite. Non, c'est la main gauche. La main gauche, c'est Fredo, mais il est parti. La main droite. The right hand, come on. En fait, c'est super facile. C'est la main droite, c'est au front, au nom du Père. Nord, sud. Au cœur et du Fils. L'épaule gauche. Ouest. Saint-Esprit. Et on ramène ici en disant... Non, plus jamais je m'abaisserai à toi, sale menteur. C'est ça qu'il faut que tu dises. Parce que bon, on dit amen là, mais ça veut juste dire comme j'obéis dans la foi aveugle, puis ça c'est un peu cave. Bon. C'est vrai. Et la désobéissance. En passant juste comme ça, ça fait à peu près 10 ans que je peux dire ce genre d'affaire là sans me faire brûler sur un bûcher. Tu veux dire au Québec ou dans ton monde de donjon? Bon, OK. La mode, ça revient. Toi, je te parle plus, Tom. Je t'écoute. Bon, OK. Quand même, avec le signe de croix, on se rend bien compte hein, que la Trinité se dévoile à nos yeux ébahis. Elle prend la forme d'un rappel, en fait. Elle nous indique comment faire ce choix-là, comment être créatif. Okay? Parce que ça, c'est une clé, là. T'sais. C'est une clé. Si tu n'as pas de mauvaise intention puis que tu regardes ça comme du monde, tu te dis, en utilisant ma tête, tout en écoutant mon cœur, je vais être créative as fuck, puis ça va marcher. Tu comprends? Oui, j'aime ça. OK, regarde, je vais te le remonter. J'ai beaucoup aimé ton association. Le Père, c'est le passé. Le Fils, c'est le futur. Et le Saint-Esprit, c'est le présent. On le reconnaît beaucoup dans ce que tu viens de dire. Là. C'est ça. C'est ça, Tommy. C'est en fait ce que la religion catholique veut nous expliquer par la Trinité. C'est que nous sommes tous des êtres créatifs et que l'on fait des choix. C'est juste ça. Pourquoi qu'on lui donne autant d'argent d'abord? Ben ça, c'est une affaire de droit d'auteur, je pense. Ça s'est perdu dans les limbes. Je peux te l'expliquer, mais il faut que tu me donnes 20$. Ouais. Et bon, en terminant, parce que je sais que de toute façon, on n'a rien compris, personne à ce que j'ai dit. Tu te dis, mais Matthieu, il est où Dieu? Hein? Tu sais, t'as dit que la Trinité, c'était la rencontre avec Dieu, bon, blablabla. Bla, bla. Bon, bien que je pense que c'est un peu toi le problème. Je m'excuse d'avoir dit ça. Nous sommes tous ignorants, OK? On est tous des ignorants. L'Église elle-même confesse que la Trinité, on comprend pas ça. Aucune idée de c'est quoi ça. Ils disent un mystère que l'homme ne peut pas comprendre. Ça, c'est pratique, ça. Et en fait, non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Je ne suis pas venu ici avec une réponse, hein? Si tu veux des réponses tantôt, tu vas voir, il y a un écran, des projectiles, un hélicoptère qui explose, Mario de Benjamin. T'additionnes ça comme tu veux. OK. Ouais. Mais bon, un des messages que des catholiques, en fait, est que nous avons tous en nous une part de divinité. En nous, on a une part de divinité. Et quand on approfondit cette recherche-là, on se rend compte que la seule conclusion qui leur est venue en 2000 ans, c'est que rencontrer Dieu est une expérience personnelle. C'est vrai? Une expérience personnelle. Ça, c'est un gros mot, ça. On peut répéter tout le monde ensemble. Personnelle. Et de là, bon. Les dogmes. Et c'est ça qui est le fun avec Jésus. Tu te souviens de Jésus? Level 33. Hey, parle-moi-en pas. Le charpentier niveau 33. Il avait sa monture épique, là. Healer plus 6, plus 4 contre les marchands. Le dude, c'est un fucking mage. Lui, il aurait jamais parlé d'un dieu extérieur, hein, ou même d'un dieu commun. Hein. Il disait « mon père ». Il disait pas « notre père ». Hein? C'est pas lui qui a inventé ça, notre père. Ouais, ouais, il ouais. disait « mon père ». Le mien. Ton père. Donc, un des messages de Jésus, c'est que l'Église est à l'intérieur de nous. Hein? Et ça, clairement, là, t'apprendras pas ça à l'école, OK? Non, t'as plus le droit de parler de ça à l'école, à ce temps. Ouais. Et... il y a beaucoup de pays où tu peux, hein? Tu peux changer si jamais il y a un problème. Là. Ben, il... écoute, on ne viendra pas là-dessus. Il existe des pays plus libres que d'autres. Hey, qu'est-ce qui est arrivé à Fredo? On écoute Mathieu. On écoute Mathieu. Magie! Ah! c'est ça. Fait que si tu veux d'autres renseignements, ben, tu peux toujours venir voir ma conférence. Hein? Qui s'intitule « De la foi, j'en veux plus ». C'est bon! Il y a des beignes pis du café, venez en famille. Ah, j'aimerais conclure avec une petite chose très, très, très importante. Si tu veux des réponses, il n'y a qu'une solution, hein? Pose-toi des questions. Alors, mon nom est Mathieu. Et ne manquez pas la semaine prochaine où j'aurai de nouveau un discours impie. Merci, Mathieu Boudreau. Ah, sapristi. Ça va être à réécouter. Ça, c'était pour vrai la notion passé, présent, futur. Ah, moi aussi, j'avais envie d'y faire un câlin. Fait que c'est un petit peu le mien. Let's go, Nick. On part le dernier chroniqueur de la soirée. Salut Fred. Hey. Hey, le monde est fou avec le Canadien cette semaine. Hein? Les Whips, hey Fred, encore... j'avais hâte que t'arrives. Hey, merci. Un îlot de bon sens. Dans hey, là, ça va. Là, tu sais, on est dans le concret si j'aime ça. Les gens hein, ont été rapides hein, cette semaine à répéter sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont entendu à TVA Sport. Et ça a été le cas de ta copine, Toto. Comme dans le sens de « tu te fais voler ton gig », là. Oui, dans ce sens-là et dans le sens de commencer à parler en TVA Sport. Donc, écoute, voilà. ma copine qui parle en TVA Sport à cette heure, elle fait des phrases d'une vacuité céleste. Voilà, donc l'impact direct que ça a sur la population. Du genre de « si on gagne à soir, ben veux pas, ça va être 3-2 dans la série ». C'est vrai, voilà. Veux pas. Ben oui, puis elle a même indiqué sur les réseaux sociaux, et ça, je l'ai gardé pour ma chronique, hein, pour le bien. Écoute, je te laisse aller, lance-toi. Saviez-vous que dans l'histoire du Canadien, après avoir tiré de l'arrière 3-0 dans une série, l'équipe ne s'est jamais rendue au-delà du cinquième match? Alors, c'est ce qui vient de se passer. Oui. Et là, attends, c'était suivi d'un hashtag « On a brisé l'histoire ». On vient de briser l'histoire. et moi, j'ai insisté, c'est l'histoire avec un petit H. Avec un petit H, voilà. Donc, oui, on n'a jamais perdu, et ça, dans toute la riche histoire, lorsqu'en situation de remonter 3-2, après avoir tiré de l'arrière 3-0. Donc, quand ouais, il fait beau, les mois perdent. Oui, bonjour, mon nom est Frédéric Fournier, et vous vous rappelez peut-être de moi comme un lecteur de Metro Flirt, lecteur de Chaman, comme étant Fred le fredonneur, lecteur de dossiers de presse, chercheur d'avions disparus, comme entité mystérieuse, le gars du Fred Show ou l'animateur de circuit électronique sur le CISM 89.3 FM. Et, wow. Mais bon, ceux qui étaient là lors des dernières semaines savent que je suis maintenant expert analyste de hockey attitré, tel que l'indique mon veston et ma cravate. Et d'ailleurs, Fred, si tu me permets, tu joues au hockey des fois. Ça m'arrive, Tommy. Et voilà. Voilà, et je donc, détiens toute l'expertise voilà. pour voilà. être un joueur analyste. D'ailleurs, et, là, je parle pas aux journalistes, je parle aux joueurs de hockey. C'est un de mes préférés, hein, je l'aime bien, ça. Donc, je vais essayer. Je vais essayer, Bruno. Donc, j'ai encore une fois, oui, les meilleures phrases de TVA Sport lors des séries minatoires. Alors, commençons. On va commencer avec une phrase d'Alex Killorn en entrevue qui a dit « Stamkos m'a trouvé dans le slot, puis j'ai pris un shot. » C'était, ouais. Et bon, après une défaite de 2-1, Dave Morissette, il est allé avec les vraies choses et a dit la chose suivante. Est-ce qu'on peut blâmer Carey Price ce soir? Non. Donc, il y a encore, hein, à maintes fois, le classique. Encore là, tu veux que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs. Ça, c'est, écoute, c'est le refrain ça, semaine après semaine. C'est malade. Récurrent. C'est drôle que ça revienne tout le temps. Ils ne s'en sont pas rendus compte encore. Hein? Non, non, ils se passent la balle à qui mieux mieux. Mais eux autres, ils font 1000$ par présence à la TV et ils vont remplir le temps. Là, en Morissette, français, impeccable, vu qu'ils prennent des phrases qu'ils ont entendues avant. Là, parce sinon, ce serait pas pareil. À l'aide de leur becherelle et de leur dictionnaire. Dave Morissette, il est allé en disant « On a vu du hockey sans lendemain. » Donc, on sait jamais hein, s'il va en avoir le lendemain. Hein, c'est tout le temps ça avec le hockey. Ben, souvent, il n'a pas aussi le lendemain. C'est vrai avec pas le lendemain. Tout. Souvent, il prend un temps. La journée d'après. Michel Bergeron, il est allé en disant « T'as pas le droit, en fin de rencontre, de donner un 2 contre 1. » Tu peux pas. Tu peux juste pas. C'est impensable. José Théodore dit « Les joueurs du Canadien vont être fatigués physiquement, mais encore pire, mentalement. » C'est sûr, c'est pire, ça. C'est pire. C'est plus qu'une défaite physique, c'est une défaite mentale. Michel Bergeron. Mais il y a une dichotomie, okay. Là, physique-mentale, qui revient. Oui. Hein, on le sent. Oui, faut faire le saignement. La part des choses. La part des choses. Différentes. Yogi Berra le dit, hein, le baseball, c'est 90% mental et 50% physique. Voilà. Donc. Ouais. Non, mais c'est beaucoup plus dur qu'on pense, le baseball. Ta gueule, Toto. Ça, c'est une que j'ai vraiment aimée dans la dernière semaine. Je vais sortir une expression qui est pas trop française, là. Il faut le fabriquer, le but. Donc, c'était Michel Bergeron. Hey, ça, c'est pas, c'est pas juste... Le fabriquer. C'est pas juste pas français, c'est dans aucune langue. C'est... Voilà. Ouais, mais c'est on malade. A compris pareil. Ah, c'est sûr. Je vais sauter celle de Mike Bossy, là. Mais bon, qu'est-ce qu'on va retenir si le Canadien est éliminé en 4 matchs? Pauloud qui nous disait... Qu'est-ce qu'on va retenir? Ben, ils ont perdu. La seule chose que je peux demander à mon équipe, c'est de travailler. Michel Therrien. Michel Therrien, oui. Oui, voilà. On doit continuer de faire ce qu'on doit faire. Michel Therrien, encore une fois. Ça, le nombre de fois que j'ai dit. Oui, mais Michel Therrien, il n'est pas payé pour parler à TV. José Théodore, oui. Je pense que c'est dans sa description de tâche de parler à la fin de chaque match. Ben oui, voyons. Non, mais il n'est pas obligé de faire des 82 de game régulière. Il est coach. Des 8 de game précédent. Toto. Il est coach canadien. Il n'est pas obligé de le faire en français. Attends, c'est ça en train de se passer pour vrai, là, ce qui est en train d'arriver là? Wow, un débat! On a-tu un débat sportif? Oui! Hey, moi... Toto, la prochaine, tu vas l'aimer parce qu'elle est dans la langue de Shakespeare. It was a pure proverbial, sometimes it's not how, it's how many. Oui. John Cooper. C'est de la philosophie, ouais, ça, là, hockey, je veux dire, écoute. Et le Canadien qui marque 3 buts dans un match, wow! Vous avez reconnu Félix Séguin, qui n'en croyait pas ses yeux de voir 3 buts marqués. Mais par j'avoue qu'il venait de comme... doubler leur moyenne. Oui, c'était ensuite exclamé. Et le voilà, le but en avantage numérique. Yeah! Le premier en 36 occasions. On a des fans de buts en avantage numérique dans la salle. Des amants de surnombre. Comment c'est quoi ça? Des amants de surnombre. On se souviendra, Michel Bergeron, hein, pour ceux qui étaient là. C'est quoi semaines. Son but en avantage numérique? Hey, come on, okay, là. Bon, enchaînons. Félix Sacrier et compte. Et voilà, le Canadien marque tous les buts qu'ils n'ont pas marqués lors des autres matchs. Je l'avais spoté, celle-là. Aussi, je l'avais toutes. Mais là, il ne faut pas qu'il y en marque trop. La question, que c'est est-ce des qu'ils vont s'en... C'est ça. Ils, vont... ils en ont-tu gardé pour demain? Pour les non. Bien, la ça. Question, c'est le chiffre du coton. Peux-tu l'avoir d'avance, s'il vous plaît? Puis, M. Séguin hein, était en feu le soir de la victoire de 6-2 hein, et s'en suivit. Alors, la glace penche d'un côté en ce moment et c'est le Canadien qui en profite. Tout s'explique. Donc, la glace qui penchait d'un bord. C'est ça parce que la glace penchait pas nécessairement du côté des Canadiens. Non, on sait pas de quel côté la glace pensait. Séguin aussi dit, hein, il s'en passe des choses lors de la pause publicitaire. Oui, pour après ouais, ça, nous montrer c'est... rien. Nous ah, montrer ouais. rien. Il y a des pick-up, il y a un singe qui veut qu'on mange des sandwichs. Il s'en passe des choses. Il y a un joueur qui est allé parler qui, à l'arbitre. Qui est allé là, dans le vestiaire, puis il est revenu. Puis là, ça, on avait tout manqué ça. C'est... Louis-Jean a dit « C'est véritablement une explosion offensive ici en studio. » Ça, c'est Bergeron qui est en feu, même. Et Bergeron a dit « Oui, ça, j'aime ça. Des fois, il est mélangé. » Il a dit « Ça a commencé avec le premier but de le premier but de deux matchs. » Je sais pas comment quoi dire. À soir, c'est une victoire mentale. C'était José Théodore. Enfin, on peut réparer le mental. Hein? Et par la suite, bien, on connaît la suite. C'était Patrice par la Desbois. Suite, on connaît la suite. Ouais. Nous, on se concentre sur ce qu'on a à faire, nous autres. Pierre-Alexandre Parenteau, qui a ensuite dit, on prend ça période par période, match par match. Ah, Chris. Ouais. Donc, quoi, comment tu veux... Il dit ça, j'espère qu'il y a une carie. Comment tu veux qu'il fasse ça? Je souhaite une carie au prochain que j'entends dire ça. Fucker de Chris. Un animal est dangereux quand il est en mode survie. Le Canadien est en mode survie. José Théodore. Le Canadien est un animal. C'est une analogie zoologique. Étienne avait été rapide à me faire signifier que donc le Canadien est un animal. Non, mais même pas. C'est même pas une suite d'idées. Là. Il a dit un melon d'eau, c'est meilleur quand c'est mûr. Le Canadien est en mode survie. Ça ressemblait à ça. Ouais. Donc le Canadien est un melon d'eau. on est tous conscients, insérer le momentum, ça change le match de bord. C'est vrai, Michel c'est vrai, ça. Mais là, là que t'étais... ouais, c'est ça. C'était Patrice Brisebois qui voulait dire... Hey, tu l'as bien! Tu l'as bien! Mais là, le Canadien, là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Le Canadien, pourquoi qu'on a été battu? Non, c'est pas ça qu'il a dit, mais on s'en souvient, mais... il avait dit, mais c'est là que tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs joueurs. J'adore ça. Parce que oui, c'est celle-là aussi, je suis un petit peu. Terminons rapidement. Hein, au dernier match, Paul Hood dit ça ouvre le canal de Panama. Donc, avec l'avalanche de buts, c'était ça que ça faisait. Et Price. Ça ouvrait le canal de Panama. Oui, ça ouvrait le canal de Panama. Ça levait l'embargo sur Cuba. Et voilà. Mais le canal de Suez, lui, il n'est pas inclus. Une de mes préférées lors du dernier match, c'était « Et Price l'a félicité en lui donnant un petit coup de bâton sur les fesses. » De cette manière, Radio-Canadesque, par Félix Séguin. « Carey Price a été sensationnel. » Ça, c'était Louis-Jean. Comment il a échappé son bâtier. Il s'en fâche, Louis-Jean, souvent. « Comment va-t-il réagir? » Encore Louis-Jean. J'aime bien ça. « La chance est sur son côté en ce moment. » Michel Bergeron. Et toi, Mike, des matchs sans lendemain, t'en as vécu. Donc, c'était Dave Morissette lors de Dave Morissette en direct. C'est ironique qu'on puisse vivre plusieurs matchs sans lendemain, par contre. Ouais. C'est comme... Ben, c'est comme alors c'est ici, comme Highlander, hein, commencer à connaître mon segment, c'est le moment où je sors un article servant à la pratique du hockey. Oui. Donc, j'ai avec moi une puck. Une bonne rondelle bien dure. Commencez à être habitué. Regardez cette puck-là. À quoi sert-elle? À rouler. On le sait maintenant. On a plus que ça, Tommy, à être transformé, à être fabriqué en but. Oui! Oui. C'est oui. La matière donc, première de but! Donc, sachant ça con, maintenant, et sachant qu'en ce moment, la glace penche d'un côté, en plus, que la chance, la confiance et le momentum est présentement bien. Dans le camp de la triflanelle. Ah ouais, ça va bien. Alors, ce n'est pas gagné d'avance pour les Tampa et c'est sûr que c'est sur la glace que ça va jouer. C'est donc l'équipe qui sera le plus profiter de ses chances et ainsi transformer la rondelle en but qui va l'emporter. Oui. Oui. Bon. D'ailleurs, si tu me permets, Fred, on en parlait hier. On est arrivé vraiment au calcul que la pression est inversement proportionnelle inversement à la confiance. Proportionnelle à la confiance. Et là, présentement... Bon, je voulais apporter un graphique pour vous indiquer ça, mais regarde, imaginez-vous la confiance... Puis la pression serait ici. Donc, ça change de bord. C'est comme ça, un effet de balancier. C'est dur à expliquer, mais vous comprenez le concept. Sinon, c'est pas dur. J'apporte qu'un graphique la semaine prochaine. Merci beaucoup, Fred. Ah, ça, apprécié. Ah, c'était un bon 70%. Ça, on est allé un petit peu partout. On a touché à tous les sujets. Et c'est le moment où j'en suis à dire... Par le dernier jingle. Ouais, je l'ai pas bien, moi, celle-là. Ah non, je trouve qu'elle est trop surexcitée, là. OK, ben... On 87 la pression corps. Monte, la confiance descend. Daniel Palmer de South Beach en Floride s'est présenté devant un groupe qui discutait sur le trottoir armé d'un revolver. L'homme de 26 ans a alors arraché la chaîne du cou d'une de ses victimes avant de se sauver en courant. Quelques minutes plus tard, il est revenu au volant d'une Mercedes-Benz annonçant à sa victime que son collier était un faux. La victime a alors attiré l'attention d'un policier au coin de la rue et Palmer a pris la fuite. Il a été arrêté pour vol à main armée et avoir fui à la police et conduit en Mercedes. En Mercedes. Voyons, crise de cave. Mais la Mercedes était à lui? Ben. Était pas... Hey, il est allé naguer la personne, tu sais, ton client est fou. Aïe, aïe. J'espère qu'il n'y aura pas d'enfant, ce gars-là. J'espère vraiment beaucoup. Là. Je ne veux pas te décevoir, mais je pense qu'il y en a déjà. Puis peut-être qu'il n'est pas au courant. Genre. Dominique Antonio Alfonseca, 23 ans, a publié une vidéo sur Instagram d'une note qu'il a donnée à une caissière de banque. La note se lit comme suit. « J'ai besoin de 150 000 $ tout de suite. S'il vous plaît, la police prendra 3 à 4 minutes pour arriver ici. J'apprécierais que vous fassiez sonner l'alarme une minute après que je sois parti. » Assurez-vous que l'argent n'explose pas lorsque je partirai. Petit bonhomme clin d'œil. Je l'aime, il est full gentil. Il est gentil, il a juste besoin d'argent, Tommy. Alfonseca a été arrêté quelques 20 minutes après le vol. Il affirme qu'il ne comprend pas pourquoi on l'arrête. « J'ai seulement demandé la permission pour avoir l'argent », affirme-t-il dans sa vidéo. « Selon moi, je n'ai pas commis de vol et je crois qu'on m'accuse sans raison. » À suivre. Non, mais il va gagner. C'est vrai, il n'y avait pas d'armes, rien. Il a juste donné... Il va gagner. Il a donné une note qui disait « s'il vous plaît ». Ouais, mais attends. Non, mais il n'y a pas de menace. Il y a un ton poli. C'est vraiment jurisprudence. Le fait qu'elle, elle a eu peur et qu'elle ait assumé que le gars avait un gun, c'est pas son problème à lui. Lui, il a dit « s'il vous plaît, ouais. Merci, il est parti, je il avait ça pas d'armes, il va je gagner. » Avec un bon avocat, ça peut justice. Passer. C'est donc bien weird, on est en 2015, puis on parle de ça. Il y a quelqu'un qui vient ça. D'inventer une nouvelle manière ben de ouais, voler de... les banques. Hey, s'il te plaît, ce serait vraiment cool. Lui, s'il gagne, il va être libre 2.0. Même. Ah ouais. Oh, oui, ben merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. Oh, on l'a fait. 70% des grandes ligues. Merci à Toto de pas sentir trop mauvais. Mathieu Boudreau, Jean-Sébastien. On a eu aussi Fred. On a eu Jesse, Andy, Simon Cussonnet là-bas, Nick à la console, moi, Fredo, Laurent. Ben oui, il est disparu. Il est allé fêter son bail, le genre, c'est ça. Là-dessus, ben, la fin de 70% est maintenant, mais donnez-nous à peu près 3 minutes, même pas, puis on va commencer avec le set de VJ de notre ami Cussonnet. J'ai vraiment hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être là, tout le monde! attention parents, please do not leave your child unattended while riding the ride. Enjoy the ride, kids. カップヌードルはこの度誕生20周年と相なりました。これもひとえに皆様方の食欲の賜物です。これからもよろしく、これからもおいしく、まずは御礼まで、おっさんです。20周年記念カップヌードル限定発売中。